Émission spéciale Noël sur Fadjet, animée par Gaël et Françou. Joyeux Noël, Gaël. Oh, joyeux Noël, François. Comment ça va ? Oh, bah ça va bien, on est bien ensemble. Veillée de Noël. Je suis très heureux de passer ce moment-là avec toi. Oui. Et avec du monde, manifestement. Il y a plein de monde. Il y a du monde ou pas ? Ah, ouais. On va pouvoir fêter un bon Noël ici à Fadjet ce soir pour cette émission spéciale. Alors au programme, il y a quoi ? Il y a pas mal de choses, hein, je crois. Oui, tout à fait, on va jouer pendant toute la soirée. Il y a un fil rouge qui vous attend et des questions 100% Noël, mais il y aura également des chroniques. Effectivement, donc 7 à 8 chroniqueurs, si je n'ai pas vu, 7 chroniqueurs. 7. Alors on aura un petit peu de tout, on va vous laisser découvrir. En tout cas, on va passer quasiment presque 2 heures ensemble, j'ai l'impression. Et puis, je crois. On a signé pour ça, On a signé pour ça. Oui. Et donc, on commence tout de suite ? On commence maintenant avec un premier jeu concernant Noël. Et nous appelons à la table. On appelle qui à la barre ? Thomas et Pierre. Et Pierre. Pierre est déjà installé. Et Thomas doit arriver. Et Thomas. C'est quel Thomas qui vient avec nous ? Thomas qui va faire une chronique un petit peu. Alors, c'est Thomas. C'est toi, Thomas ? Oui ! Oui, c'est toi. Viens, N'aie pas peur, ça va bien se passer. En tout cas, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent ce soir. On vous souhaite déjà et d'ores et déjà un joyeux Noël ici à l'écoute de Fadjet. Donc le quiz, c'est un quiz. Oui, c'est un quiz, okay. Et nous allons parler de choses et d'autres qui sont en rapport avec Noël. Alors, d'accord. Est-ce que chacun a son petit son pour se manifester s'il a la réponse ? Alors, nous avons un pouet-pouette. Un pouet-pouette à ma droite pour Pierre. Et comme nous n'avons pas énormément d'argent, il faudra faire pouet-pouette avec la bouche. Le vocal, de l'autre côté. Vas-y, pouet-pouette. Okay. Pouet-pouette. Parfait. Et le vrai pouet-pouette. Super, magnifique. Ça marche aussi. Magnifique. Ça tombe très bien. D'un côté, donc, nous avons Pierre. Ça va, Pierre ? Bonjour, ça va, et toi ? Bon, écoute, pas mal. Pierre, qui d'ailleurs, on le rappelle, est entre autres sur la matinale de Fadjet. Oui. Et aussi... Dans l'effet miroir aussi. L'effet miroir qui passe quand ? Le samedi à 13h30 et dimanche à 9h30, après Multitube tout en musique. Qui sera opposé à Thomas ? Tout à fait. C'est lui. Thomas qu'on retrouve dans la matinale du jeudi. Et non, du mercredi. Du mercredi, pardon, avec un billet d'humeur aussi qui viendra tout à l'heure c'est ça. Bien nous faire. À l'antenne. On y va sur les premières. C'est moi qui pose les premières questions. C'est toi qui poses la première. Vous êtes prêts ? Prêt. Ok, première question. Parmi ces trois variétés, laquelle n'appartient pas à l'espèce des sapins ? A. L'épicéa. 2. Le Norman. C. Le Punani. Pouet, pouet. Ah, c'est rapide. Je dirais le Norman. C'est une mauvaise réponse. Oh. Oh. Donc ils ont le choix encore de donner une autre réponse. Ah bah Thomas peut donner entre l'épicéa et le Punani. Je vais tenter l'épicéa. Ah bah non. Et le n'existe pas. Pas du tout. Mais c'est pas grave, les gars. Qu'est-ce c'est qu'un Punani Un Punani, ça n'existe pas. Un mélange entre deux noms, le Pungen, c'est l'Engelmani, qui sont deux sapins. Ah, pour de vrai. Ah, donc le Punani, d'accord. Ok, bon, bah écoute, on prend. Deuxième question, les amis. En quelle année le Père Noël est-il mentionné en France pour la première fois ? A. 1648. B. 1848. C. 1948. Pouet-pouet. 1848 ? Oh ouais ! C'est une bonne réponse ! Oh ouais. Oh là, c'est Julien Lepers qui anime ce soir. Il y a un son dans l'émission. Ça fait peur. Un petit point pour Thomas. Un petit point. Troisième question. Vous êtes prêts ? Oui. Pouet-pouet, ah, c'est pas à moi de dire oui. Oui, c'est vrai. Avant Noël, on fêtait le culte... Alors, je vais bien le prononcer parce que j'ai très mal prononcé. Ah, tu m'as fait peur. Donc, je vais le reprendre. Avant Noël, on fêtait le culte de Mithra. Mais toujours un 25 décembre. Pourquoi le 25 décembre ? Car c'est traditionnellement le jour des premières neiges. Réponse A. B. Car c'était la date du décès du premier empereur de Rome. Ah oui, on se cultive ici. Ah, on se cultive. Même à Noël. C. Car c'était à l'époque la date du solstice d'hiver. Oui, Pierre. Je vais prendre le solstice d'hiver. Et tu fais bien de le prendre. Tu l'as pris, la il est pour voilà. Toi. Bonne réponse. On te l'offre. On te l'offre. Je le prends avec moi ? Tu voilà. Le prends avec D'accord. Toi. Ça va, il y a une bonne ambiance là, dans le public. Vous entendez pas ? Ils n'entendent pas ? Tiens, on va juste. Approchez-vous, les enfants. Approchez-vous, n'hésitez pas. N'ayez vous avez pas droit. Peur. Ça va Alors, bien se passer. Quatrième question. Qui ne joue pas dans le film Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin ? A. Farni Ardant. B. Chiara Mastroianni. Et C. Catherine Deneuve. Ah oui, c'est dur. Moi-même, en lisant la question, j'ai la réponse sous les yeux, mais je ne le sais pas. Pouet pouette. Pouet pouette. Je vais te dire la deuxième, mais je ne saurais pas reprononcer son prénom sans la note. Chiara Mastroianni. Oh, c'est une erreur. C'est faux. C'est faux. Pouet-pouet. Bah, je vais dire la réponse A. Fanny Ardant. Ouais. Mais tu te rappelais plus du nom. Non. Bravo. Bonne réponse. Le hasard fait bien les choses, ma foi. Le hasard fait bien les choses. Cinquième et dernière question du questionnaire numéro 1. Pour l'instant, Pierre mène 2-1 face à Thomas. Attention, Thomas. Hein ? Comment s'appelle l'album de Noël de Mariah Carey en 94, dont est extrait le titre, on va le faire en chantant. All I want for Christmas is you. Je voulais chanter, vous chantez trop bien. On est de manière approximative. Ah oui. Voilà. Ah oui, oui, voilà, oui. C'est ça. Et donc, on s'appelle. On enregistre les clochettes, on l'a rend en entier. All I want for Christmas is you. A. Merry Christmas. B. Silent Night. C. Mariah Christmas. Pouette, pouette. Ouais. Oui. La réponse B. C'est une Night. Grave erreur. C'est une très grosse très grave erreur. Une erreur, erreur fatale. Pierre. Oui. La réponse C, mais je ne sais plus. Mariah Christmas. Es-tu sûr de toi? Bah non. Non, bah non. Par mon ton, tu n'es plus sûr. Et non, c'est une erreur encore. C'est une erreur. C'était Merry Christmas aussi simple que ça. C'était si simple. Aussi simple que ça. Et c'est donc Pierre qui emporte ce premier match et qui jouera tout à l'heure en finale, en fin d'émission, où il y aura, on a oublié de le dire, il y a un magnifique cadeau à gagner, à savoir un bonnet de Père Noël et un gobelet Fadjet. Ainsi qu'une papillote. Et une papillote. Pas négligeable. Et il y a du ça, budget, c'était pas prévu. Oui, alors vous avez la possibilité aussi de jouer, hein, les auditeurs qui nous écoutent, bien sûr. Entre vous. Alors il faut que ça reste bienveillant, c'est quand même Noël. Hein, on ne se bat pas avec tonton. On met pas des coups de dinde. On reste dans la bienveillance. Et puis on passe un petit moment ensemble, qui est sympathique. En tout cas, joyeux Noël à vous. Et on passe à quoi, notre Gaël, là, cette heure-ci ? Déjà, on remercie Thomas et on remercie Pierre d'avoir joué, d'avoir essuyé les plâtres. Thomas et les échecs, c'était merci. Pas simple, hein. C'était compliqué. On n'était pas prêts. Non, vous n'étiez pas chaud. Il faut s'échauffer. Hein. Bah oui, c'est ça. Ouais. En plus, on vient de réveillon, alors là. Oui. Tu vas réveillonner. Bah tu oui, vas c'est ça. Ouais, nous réveillonnons de concert ce soir sur Fadjet jusqu'à 23h où nous allons nous amuser, apprendre des choses avec des chroniques très intéressante. Dans un instant, c'est Clélia qui va ouvrir le bal. Mais tout de suite, on va écouter une chanson qui a été créée en français en 2000, alors que cette chanson-là existe depuis les années 40. Elle n'avait jamais été traduite avant. La chanson a été interprétée et traduite par Rock Voisine. Je D'accord. sais que tu l'aimes. Oui, je l'aime. Seul sur le sable. Et les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Et la version originale, c'était Sleigh Ride. La version originale qu'on entrera tout à l'heure dans Vinimaniacs entre 23h et minuit avec mon copain Jérôme. Car la soirée continuera. Bien sûr. Mais toute la nuit. Jusqu'à la tente du petit Père Noël. Jusqu'au bout de du la Papa nuit. Noël. Oui. Allez, c'est Rock Voisine. Et promenade c'est Promenade en traîneau. Petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le vallon s'accroche l'hiver mais le ciel est bleu. Ah qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. Hurry up, hurry up, hurry up, ohé, ohé du traîneau. Emmitouflez-vous bien dans vos manteaux. Hurry up, hurry up, hurry up, ohé, pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid. C'est merveilleux de voir défilant comme un des corpins. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois tu cries car ça penche un peu, c'est l'instant d'effroi. Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. L'attelage a déjà pris le chemin du retour. Nous allons être surpris par la tombée du jour. Je me vois déjà près de toi, le rire aux yeux, le cœur content. Près du grand feu de bois qui flambe, il nous attend. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le vallon s'accroche l'hiver mais le ciel est bleu. Ah qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. Hurry up, hurry up, hurry up, ohé, ohé du traîneau. étouffez-vous bien dans vos manteaux. Hurry up, hurry up, hurry up, oh hey, pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid. C'est merveilleux de voir des filants comme un des copains. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois tu cries car ça penche un peu, c'est l'instant d'effroi. Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. Passez le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël! Et oui, joyeux Noël, Gaël. Joyeux Noël, François. On passe un bon moment. Moi, je suis très heureux de passer ma veillée de Noël avec toi. Et avec tous les chroniqueurs et tous les animateurs aussi de Fadjet. Et même en public ici, dans le hall, enfin dans le hall, dans le, au rez-de-chaussée, pardon, de, dans le hall, de notre belle maison. Rez-de-chaussée de notre belle maison. Et on accueille Clélia. Bonjour, Clélia. Bonjour, tous bonjour, les deux. Ah bah, Clélia. Oui. On ne t'entend pas. Oh, pardon. Voilà, faut que tu parles de près. Oui, oui, oui, oui. Alors, Clélia, ça va? Oui, ça Clélia va. Qui fait la matinale du jeudi, une fois sur deux. Ouais. Et là, tu viens avec un petit billet d'humeur. Oui. Eh ben, j'ai envie de te laisser parler, non? Bah oui, faisons ouais. ça. J'ai le droit. Bon. Alors, vas-y. D'accord. Alors, pour ceux qui avaient écouté la chronique la dernière fois, donc, Monseigneur, c'était François. Oui. J'ai dit aujourd'hui, c'est fini. Désormais, c'est le père Noé. Pour les incultes, Noé, c'est Noël, en vieux vosgien. Bref, quand je vous disais dans ma dernière chronique que les ninjas n'étaient pas toujours vécus de noir, le Père Noël en est juste la preuve. Parce que si quelqu'un l'a déjà croisé un jour, je veux bien son numéro, j'ai deux ou trois trucs à régler avec lui. Ah bon? Ah bah, hein, il est aussi fourbe que les ninjas, il rentre sans frapper et en plus quand tu dors, il te pique ton lait, tes gâteaux et t'as même pas la garantie d'avoir le bon cadeau. La honte? Bah oui. Et en plus il se barre comme un chapardeur. Et en plus, j'en rajoute une couche, hein, il est migrant. Ah bon? Alors tout s'explique. Il vient d'où? Ah bah, je vais le lire, tu vas le lire. Ah bah voilà, j'y viens. Attends, t'imagines la tête de ceux qui ne veulent pas de migrants en France et qui finalement expliquent à leurs enfants d'être sages pour que Papa Noël vienne déposer des cadeaux par la cheminée. Parce que lui, c'est un gentil migrant. Oui. Ah oui, hein. Parce qu'il y a des méchants. Ouais. Bah, pour certains. Ah. Mais les cadeaux, tu sais pas ce qu'il va mettre, cet étranger chez toi. C'est ce qu'on se dit quand même. Le Père Noël, donc, il s'agit en fait de notre Saint-Nicolas. Qui a été amené par les migrants hollandais aux États-Unis. Mais les Américains sont majoritairement protestants. Quoi? T'es en train de dire que le Père Noël, c'est Saint-Nicolas? Eh ouais. Et ouais, transformé par les Américains qui n'ont pas accepté la culture des migrants. Je me trompe depuis que je suis petit. Et oui. On m'a amené dans le flou depuis que je suis petit. Mais sais-tu pourquoi? C'est terrible. Enfin, savez-vous? Non, c'est pas possible. Non, mais pourquoi a-t-il été transformé par les Américains en Père Noël? C'est les Américains qui l'ont transformé? Mais oui, parce que les migrants hollandais sont arrivés avec le culte du Saint-Nicolas. D'accord. Mais les Américains étant protestants, le culte du saint est proscrit chez les protestants. Ah, on n'a pas du le droit. Du saint, S-A-I-N-T-S. Bien sûr. Tu ne penses pas à autre chose, toi, parce que, pas du tout. Parce que les protestants ont le droit de vouer un culte au saint, S-E-I-N-S. Je ne sais pas. Ça, voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Bah, les pasteurs, ils ont le droit. Et joyeux Noël. Voilà. Enfin bref, de toute façon, je m'égare. On va revenir à nos brebis. Hein. Donc, Santa Claus veut bien dire Saint-Nicolas. Ils ont juste viré la légende qu'elle est avec. Ils ont remplacé la mitre par un bonnet, la crosse par un sucre d'orge et l'âne par un traîneau. Mais Santa Claus a tellement voyagé que son origine est confuse pour tout le monde. Tellement il essaye de brouiller les pistes avec toutes les petites choses qu'il a piquées dans les différentes cultures croisées sur son chemin, même sur son pays de résidence, personne n'est d'accord. Il a essayé de nous en faire voir de toutes les couleurs. Au départ, Papa Noël apparaissait soit bleu, soit vert. Ce n'est que plus tard qu'il sera représenté en rouge et blanc et qu'une image d'un homme bon vivant sera reprise par Coca-Cola et tant d'autres. Parce que vu la couleur de ses joues, on imagine bien qu'il ne boit pas que du Coca. Tu es en train de dire que le Père Noël est alcoolique? Bon, c'est ses joues qui le disent. Hein. D'accord. Ouais, il a les joues bien roses quand même. Hein. Mais alors, pourquoi il est rouge et blanc? Pourquoi il est rouge et blanc? Eh ben, moi, j'ai une hypothèse, hein, parce qu'en fait, on ne sait pas trop. Peut-être parce que c'était un sang bleu, qui en a vu des vertes et des pas mûres. Ah, peut-être. Et il a fini rouge de honte quand il a vu le comportement humain. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Hein. C'est possible. Voilà. Mais parce que oui, aussi. Vous savez qui a décidé de l'appeler Papa Noël? Non. Un enfant? Non, mais parce qu'en fait, avant ça, dans les fêtes païennes, à l'origine de Noël, il existait le bonhomme d'hiver. Voilà, mais... Le bonhomme d'hiver, ça s'appelait le bonhomme d'hiver. Un vieux personnage? Un vieux personnage, voilà. Il n'était pas en rouge, rien à voir. Les païens l'appelaient comme ça. D'accord. Mais vu que la culture voilà, est arrivée aux États-Unis et en France, ça devait sûrement pas être assez classe pour les aristocrates de l'époque. Donc, ils ont quand même trouvé un intérêt à fêter à ce qu'on appelait la Noël. Ouais. Et fête justement utilisée pour la christianisation de ce regroupement familial et lui attribuer la naissance de Jésus. Pardon. Il n'y a aucun écrit qui ne fait état d'une naissance le 25 décembre. Ah, donc c'est une interprétation. C'est une interprétation de la, voilà, de la naissance. Mais le 25 décembre, c'est quoi en fait, du coup? Bah, si c'est plus la naissance de Jésus, c'est le solstice d'hiver. Pas du tout, c'est le 21, ça. Non, mais avant, c'était le solstice d'hiver. Non, c'est ce qu'on appelait les Saturnales. C'était sur plusieurs jours. Ah, c'était les fêtes. Tu fais des erreurs, hein. Ah, j'envoyais parfait. Surtout le 24 décembre au soir, je t'avoue. Non, alors en fait, le 25 décembre, c'est juste le jour de la nativité. Tout court, parce que Noël vient de Natalis. Du latin Natalis. Que l'on embrasse. Qui veut dire Natalivité. Voilà, tout à fait. Et encore une fois, donc ça vient des rites païens durant la période du solstice d'hiver. Donc tu vois, si tu m'avais pas coupé, t'aurais eu la réponse après. Ouais. Je l'ai eu quand même. Attention, parce qu'elle a son petit caractère. Hein. Fais attention. On rigole pas. Noël ou pas. Mais voilà. Donc en fait, là je m'égarais parce que je voulais parler du Papa Noël. Donc je voulais préciser quand même, c'est pardonnez-moi si je vous ai offensé. Mais non, tu nous as pas offensé. Ça va. Non, pas, ça va alors. Mais oui, ça va. Donc j'en reviens à qui a attribué le nom de Papa Noël à ce fameux monsieur. C'est Coca-Cola encore. Moi, j'ose plus rien dire, moi. C'est un monsieur. C'est un monsieur. Un monsieur, un American. Un American. Quelqu'un qui avait du pouvoir. Un aristocrate. Quelle période, quelle année, quel siècle? En 1800, je dis pas de bêtises, en 1847 ou 48. L'historien à ma droite. Oh là là, 1847-48. Qui a attribué? Tiens, on va demander au public. Oui, public. Alors, pose ta question, tiens, justement. Il y a un micro bleu là qui est juste là. S'il y a quelqu'un qui a une idée, vous précipitez dessus. Qui a donné la première fois le nom de Papa Noël? Et on ne triche pas. Au 19e siècle. Je vous vois avec vos portables. It's an American déjà. It's an American. Pour commencer. Non, personne n'a la réponse. Il était pourtant si bon cet homme. Je ne comprends pas. Si bon? Mais oui, il était bon. C'était un homme bon. Ça s'appelait. Donc, personne n'a la réponse. J'y vais. Non, je crois pas. Je me jette à l'eau. Monsieur Goodman. Non, c'est non. Monsieur Clément Clark Moore. Eh bien, on l'embrasse. Il était sympa. il était sympa. Alors, mais il était tellement sympa que ce mec, en fait, il était contre l'abolition de l'esclavage. Oui, bah ça c'est bien. Voilà. Et contre l'évolution des classes ouvrières. Et pourquoi il a trouvé le nom de Papa Noël? C'est la question que je me suis posée parce que je trouve que ces idées, en fait, elles correspondent vachement à l'esprit de Noël, la générosité, le partage et la bienveillance. Oui. Donc je ne sais pas. Papa, quoi, c'est côté paternel. C'est une petite incohérence. Oui, on avance. Mais bon, voilà. Donc... parce que je vois, alors, préciser aux auditeurs que faut savoir qu'il y a du monde dans la salle où non, nous trouvons. Je clôture. Tu clôtures. Je clôture. J'ai juste un petit mot à faire passer à Papa Noël, c'est que j'attends toujours ma Barbie féerique de 1992. Ah bon, je trouve que la rupture de stock, elle est un peu longue. C'est un petit peu du foutage de gueule. Je suis d'accord, la Barbie punk. Non, féerique. Féerique, la baguette, la fée. C'était une fée avec une robe à paillettes. Robe à paillettes. Tu as eu le bus, Barbie? Oui, j'ai eu le bus. Oh, elle a eu le bus. J'ai eu le bus, le salon de coiffure. Ah, t'as tout eu, quoi. Non, est-ce que t'as eu le Ken avec Barbie? Moi, j'ai eu le Ken. T'as eu le Ken bronzé? J'ai un Ken bien bronzé de la plage et puis un Ken un peu plus. Ah, t'inquiète. J'ai même eu Shelly. Il y avait même Shelly aussi. Merci, Clélia. Eh bien, merci à vous. Merci pour cette chouette chronique informative. Clélia, qu'on retrouve tous les jeudis matin dans la matinale de Fadjet. Et on reprend bien sûr le 7 janvier. Hein. Oui. Donc, on a encore un petit peu de temps de vacances. Allez, on poursuit cette émission en public avec un titre, c'est ça? Non? Alors, non, pas avec un quiz. Titre avec un quiz. Ah, c'est là qu'on a besoin de monde un petit peu. Alors, attendez. Ne bougez pas. On va changer un tout petit peu les règles. Nous repartons à Hawaï. Les deux personnes qui étaient prévues pour le quiz qui vient vont venir, mais sur le prochain quiz. Voilà, c'est ça. Car là, nous allons faire participer l'intégralité du public. Alors, le public, est-ce qu'il nous entend quand même là? Il nous faut un silence absolu. Voilà. Alors, il y a une partie du public qui nous entend. Est-ce que tout le monde peut nous entendre, s'il vous plaît? C'est important. C'est comme dans Tour pas de famille, il y a toujours le tonton qui arrête pas de parler. C'est pareil, il y a une partie du public qui parle. C'est pas grave, on va faire avec celui qui est devant nous, là. Alors, qui nous regarde. Moi j'ai une idée, le public qui est devant, est-ce que vous pouvez prévenir le public qui est derrière qu'il va falloir qu'ils écoutent? Merci. Voilà. Écoutez-nous le public. Ben oui, voyons. Alors. Ah, un petit peu de silence tout de même. Non mais. Ah, mais non mais c'est Noël, c'est vrai qu'il faut parler, c'est important. Alors on fait un petit quiz, ça va être un quiz public. On va le faire à la levée de main. On va la faire non pas à la levée de main, mais moi je vais me lever car j'aime le risque. Bah quitte la table, laisse-moi tout seul. Laisse-moi voilà. Tout seul. Au revoir François. Au revoir. À plus tard. À plus tard. J'ai des questions. J'ai un beau micro, vous le voyez, il est rouge. Ouais. Vous aimez les micros rouges? Ouais. En vous remerciant. Cette question est très étrange, mais après. C'est pas grave. Il est que 9h30. Donc, je vais poser des questions. D'accord? Forcément, ceux qui sont devant ont plus de facilité à répondre puisqu'ils sont devant, donc ils ont moins de distance. Mais ne m'agressez pas quand même, hein. Vous ne me plaquez pas au sol pour répondre. Vous allez tout simplement vous avancer, lever la main et si vous avez la réponse, je vais vous appeler et vous allez pouvoir donner la réponse dans le micro. Première question, qui chante Noël, Joyeux Noël, Bon Baiser de Fort-de-France? Attention, il y a... Attendez deux secondes. Il y a trois réponses, mais est-ce que c'est nécessaire qu'on le dise? J'ai l'impression que non. Ouais. Alors la première à avoir levé la main, je crois que c'est Sue Hélène, ouais. Qui va pouvoir donner sa réponse. Et là, il y a Thomas à gauche aussi qui vient nous voir. Noël, Joyeux Noël, Bon Baiser de Fort-de-France, c'est... La Compagnie Créole. Mais c'est évident, mais la politique oui. Est fort. Alors, la Compagnie Créole. Qui est capable de chanter Bon Baiser de Fort-de-France? Allez, quelqu'un se lance pour chanter Bon Baiser de Fort-de-France? Il n'y a plus personne. Joyeux là. Noël. Bon Baiser de Fort-de-France. Oh, c'est magnifique, on dirait la chorale de la chorale. C'est une belle chorale, maintenant. C'est une belle chorale. La Compagnie Créole, première réponse. Donc on peut marquer que Sue Hélène a marqué un point. Sue Hélène qui repart pour l'instant avec une papillote. Et il y a deux ans, c'est elle qui avait été la reine de Noël, je le rappelle. Ce qui n'est pas une surprise. Elle est forte, Sue Hélène. Deuxième question, toujours avec trois réponses possibles, à part si vous avez déjà la réponse. Qu'est-ce qui était à l'origine... François-Henri Pas, les boules de Noël. Ah mais non, j'ai rien dit. T'as rien dit. J'ai rien dit. Ah, Valentin veut essayer quelque chose. Je dirais des fruits, des oranges. Des oranges. C'est la bonne. Super. Bravo Valentin, tu as gagné. Valentin. Valentin, salue la foule en délire. Oui, bravo Valentin. Valentin, un point aussi. Alors attention, peut-être que ça va se jouer entre deux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Troisième question. En Autriche, dans quelle pièce de la maison les enfants ne peuvent-ils pas rentrer le 24 décembre au matin? Ah, là c'est plus dur, hein? C'est ressenti l'accent au-dessous, ouais, le matin. Là, on a monté d'un level. Je vous donne trois propositions. Vous attendez les trois propositions avant de lever la main. Sinon c'est trop facile. Dans le lit conjugal à ma gauche. Dans le lit conjugal. Ça pourrait. Alors, faut jamais vraiment y aller. Non, déjà, la passe, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Les trois propositions sont pour les enfants ne peuvent pas rentrer dans une pièce le 24 décembre matin. A, le salon. B, la cuisine. C, leur propre chambre. Sue Hélène, en premier. Le salon. C'est pas possible, la réponse c'est à tout, celle-ci. Incroyable. Bravo, Sue Hélène. Et comment tu le sais, ça, Sue Hélène? Je savais avant. Tu savais avant quoi? Douté. Bah c'est bien, c'est une bonne réponse. Hein. Et à ton avis, réduction. Pourquoi le salon? Il y a le sapin. Ah, il y a les chaussettes avec des petits cadeaux dedans. Et il y a surtout le Père Noël qui, dans la tradition autrichienne, passe le 24 décembre au matin pour tout mettre en place. Par la cheminée? Il ne reste jamais coincé. Ça a toujours mon interrogation. Depuis tout petit, je me suis toujours demandé comment une personne aussi importante comme ça physiquement peut passer dans un conduit de cheminée. Et nous, on avait un radiateur à la maison, t'imagines? Ah bon? Oui. Il passait par le radiateur. Le champ de radiateur. Étrange. C'est ce que disait mon père, en tout cas. C'est étrange. Quatrième question. Oh, c'est facile. Ça, c'est fort probable que vous leviez la main avant les réponses. Quelle romancière a sorti pas moins de 5 livres ayant pour cadre Noël? Ça s'appelle un bide, donc. Alors, c'est une romancière très, très connue. Très, très connue. Petit A, Agatha Christie. Petit B, Muriel Barbery. Petit C, Mary Higgins Clark. La réponse, ici, Alexis? C'est Agatha Christie? Oh. Ce n'est pas Agatha Christie. Point, point, point, point. Allez, en cœur. Mary Higgins Clark. Ah, oh, c'est beau, Mary. Sue Hélène. Qui reste. C'est Sue Hélène qui soit égalité, tête, non ouais, ah non, Sue Hélène qui est en tête. Peut-être Sue Hélène qui va gagner cette partie-là. Cinquième et dernière question. D'après le poème de Clément Clark Moore. en 1882. Le Père Noël a 10 reines. Lequel de ces 3 reines n'existe pas ? Une idée peut-être ? Non ? Étoile, petit A. Danseur, petit B. Alatar, petit C. Étoile, danseur ou Alatar ? Vas-y. Je me tais cette fois. Et pourquoi ? T'as le droit Balthazar. De... Balthazar. Donc petit D. Hein. Il est incroyable, il donne une réponse qui n'est pas, dans les réponses. Hein, c'est... Étoile, danseur ou Alatar. Étoile, bon, allez, une petite déduction. Je me mets au-dessus du sapin. Une étoile. Il y a un renne qui s'appelle Comète, mais il n'y a pas de renne qui s'appelle Étoile, et nous en sommes fort maris. Et c'était qui a répondu ? Bon, allez, on va dire que Valentin, c'est Valentin. Et Souhélène avait aussi la réponse. Bah, Souhélène. Là, a emporté cette manche. Super, Souhélène. Elle viendra en finale tout à l'heure, ce sera beau. Tu pourras faire une troisième matinale, te lever très tôt à partir de la rentrée. C'est ça qui est bien. C'est un cadeau. Une petite chance. Alors une petite chanson peut-être, oui, François. Dans cette émission spéciale Noël, les amis, bienvenue. Ah, et joyeux Noël à tous. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs de cette fameuse Mariah Carey. Ah ouais. All I want for Christmas is you. Bon début de soirée à tous. I don't care. de Fadjet vous souhaite de joyeuses fêtes. Ça fait du bien, hein. Ah, on t'entend pas. Mais mon non, petit ah bah voilà, ah j'ai bah découpé. Voilà. J'étais en train de dire que justement, c'est quand même la chanson représentative de Mariah Carey et oui, de toute sa simplicité. Exactement. C'est un peu. Elle a jamais été aussi sobre. Bienvenue à nos chers auditeurs qui sont qui passent peut-être Noël avec nous. Hein, c'est possible, hein, en tout du moins. On l'espère. On en vous tout embrasse. Cas, nous le passons avec vous. Alors, on continue cette émission spéciale et notamment avec Kevin qui appartient à la matinale du jeudi. Il appartient de tout son cœur. La meilleure. À la meilleure. La matinale. Ça a toujours été la meilleure, la jeudi. Alors, il faut savoir que c'est un sacré cinéphile, ce Kevin. Ah oui. Sacré cinéphile. Et là, il vient nous parler aussi d'une particularité parce qu'il vit en colocation. On en dit un peu plus sur toi. Hein. Oh bah, et notamment avec, eh bien avec des Espagnols. C'est ça. C'est ça. Et tu veux nous en dire un petit peu plus sur le Noël en Espagne. Voilà, où il y a cette date à ne pas manquer. Alors, les fêtes de fin d'année en Espagne sont très étalées dans le temps et les festivités sont plus nombreuses qu'en France. Quand vous êtes accro à l'esprit de Noël, vous êtes comme au paradis. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les fêtes de fin d'année en Espagne avec 7 dates à ne pas manquer. Mettez au placard la bûche de Noël et le décompte du 31 décembre, ouais, ou encore le Père Noël, tellement pasado de moda. Il y a beaucoup mieux et c'est juste derrière les Pyrénées. T'es en train de dire que le Père Noël est passé de mode ? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Aspine. C'est pas possible, c'est un ringard. Je suis choqué. Par contre, un conseil important, arrêtez de manger tout de suite, sinon vous n'allez pas survivre. Alors, première date, attention. Alors là, ça fait du bien, surtout t'es millénariste dans tout ça. Bon, alors, première date. Alors, le 22 décembre, vous avez tiré le bon numéro. Ah, j'ai eu peur, oui. Les festivités commencent par une loterie. Ah. Le sorteo de Navidad existe depuis 1812 et fait désormais partie des traditions de Noël. Elle détient le record de la plus grande loterie au monde en ce qui concerne le montant des gains et des participants. Tous les Espagnols y participent. D'accord. Vous pouvez acheter des billets au travail, à l'école, dans les associations. Donc le tirage au sort a lieu le 22 décembre et est beaucoup suivi à la télévision. Donc si j'ai l'occasion, je vous mettrai le spot publicitaire sur la page de Fadjet ou sur sa page Facebook. En espagnol, le sorteo de Navidad. Oh, c'est ça. Ah oh, ben je le fais bien, je sais bien. C'est mon accent espagnol, j'ai fait une deuxième langue. Il est polyglotte, notre cher ami. Alors, le 24 décembre, c'est la Noche Buena. La Noche Buena. Ça Noche signifie buena. Réveillon de Noël. Voilà, c'est ce soir. Ah bon ? Ah ben c'est mieux que Réveillon de Noël. La Noche Buena. Ah, c'est pas mal. C'est plus chantant, dansant, voilà, épicé. Il n'y a pas vraiment un plat typique. Vous pouvez trouver sur la table du porc ou de l'agneau, moins souvent de la dinde. Certains choisissent l'option fruits de mer. Pour le dessert, vous pouvez déguster le fameux turrón, des polvorones ou le mazapán. C'est comme du nougat un peu, non, le turrón? C'est ça. Ouais. C'est un peu ça. T'as jamais mangé, toi? Non. C'est dur, c'est très dur. C'est très dur. Ah oui, mais notre cher Miguel a un dentier. Ah bah oui, donc s'il en mange, ça va être compliqué. J'en ai deux, au cas où. J'en pète un, on sait jamais. Et donc, on arrive au 25 décembre, Navidad. Super, ou pas tant que ça. En fait, le 25 n'est pas le jour le plus important des fiestas navideñas, je vais y arriver, espagnolas. Fiestas navideñas. C'est compliqué de m'aider à penser l'espagnol. Hein. Les enfants ne reçoivent pas encore leurs cadeaux. Mais il s'agit tout de même d'un jour traditionnel pendant lequel les familles se retrouvent ensemble. Petite particularité en Catalogne, des enfants tapent sur un bout de bois pour qu'ils, je cite, « chient des bonbons ». Eh ben écoute, c'est plutôt sympa. C'est la magie. Alors les enfants, c'est le moment de taper sur un bout de bois. Tape sur des bouts de bois comme c'est ça. C'est comme une bûche de Noël, ouais, un petit peu déguisée. Ils tapent dessus et ça sort par l'arrière. Donc, dans la bûche de Noël en bois. Dans la bûche de Noël en bois. Il y a des bonbons et il peut y avoir d'autres choses. Et bon appétit, ce bah écoutez, hein, je ne savais pas que les bûches de Noël chiaient des bonbons, mais bon. Alors, on arrive au 28 décembre, oui. El Día de los Santos Inocentes, une particularité en Espagne. C'est le jour où l'on se fait des blagues en tout genre, ah, et on se colle des petits bonhommes blancs dans le dos. C'est une sorte de 1er avril. Ça vous fait penser voilà, à quelque chose, eh donc ouais. Oui, les Espagnols fêtent le poisson d'avril le 28 décembre. Et cela n'a rien à voir avec le poisson, il s'agit d'une référence au massacre des jeunes enfants ordonné par le roi Hérode, un épisode de la Bible. D'accord. Oui, alors. Donc bon. Donc ils se collent les trucs dans le dos alors que c'est en référence à un massacre. Bon, ok. Passons, continuons, ça a l'air sympa. Hein, le ah bah, c'est très l'année. Sympathique. Ouais, ouais, le 31 décembre, c'est la Noche Vieja. D'accord. Donc il s'agit de la fête donc, du Nouvel An. Oui. En Espagne, on fête généralement le passage de la nouvelle année dans un premier temps en famille, mm-hmm, et on mange du raisin. Connaissez-vous la tradition? Du raisin, une histoire de grains de raisin, je crois. Non, oui, c'est pas on ça. Fait une bagarre de raisin. Non. Ah, Valentin, tu connais la tradition? Vas-y, prends un micro. Qu'est-ce que la tradition? On va voir si t'as la validation de Kevin. On l'entend Non, on t'entend pas. On t'entend pas. On me censure. Non, voilà. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 12 raisins. Oui. On doit les manger à minuit pile. Chaque raisin sur chaque coup d'horloge. Exactement. Les 12 coups. Alors, tu manges ton raisin, un coup d'horloge. Tu manges ton raisin. T'as ta petite coupole et à chaque coup de minuit, tu manges. Et normalement, tu dois garder tous les pépins dans la bouche et ne cracher qu'au 12e coup. Alors, petite, il y a des morts, ça s'appelle la sélection naturelle. Alors, petite question, c'est-à-dire que si on est 25 personnes en même temps mangeant. Oui. C'est pour de vrai ça ? Oui. Incroyable. Et en plus, c'est retransmis à la télévision. Ah, c'est-à-dire que ta famille, tu veux être tranquille chez toi, t'as un mec qui vient filmer, qui retransmet ton nouvel. Il y a des émissions spéciales où tout le monde en même temps, donc il y a notamment à Madrid sur la grande place, tout le monde est réuni. Avec son raisin. Voilà, et ils sont devant leur poste de télévision pour ceux qui n'ont pas la chance d'être sur la place. D'accord. Et ils se préparent à manger voilà, leur grain de raisin. Eh ben écoute, si j'ai à apprendre des choses. Hein. Voilà. Ça s'appelle las doce ou bas de la suerte. Je vais y arriver. C'est une tradition atypique et très amusante, tu je trouve. Tu connaissais, toi? Le coup du raisin, oui, ça je connaissais pas. Ça date de 1909 quand même. Bon. Alors, on arrive s'amuser en 1900. Au 5 janvier. Ah, la calbarata. Nous, c'est quoi ? C'est la galette des rois, nous. C'est ça ? On y vient. Oui, mais on y est presque. On y est presque. Et oui, les enfants n'ont pas encore reçu leur cadeau. Ce sont les rois mages qui les leur apportent le 6 janvier. Avec Sheila. Mais avant d'aller en Galilée, ils défilent dans les rues de la ville en grande pompe. Ce défilé est appelé la calbarata. Un spectacle magnifique à ne manquer sous aucun prétexte. Alors, tu maintiens les gamins depuis le 24 décembre jusqu'au 5 janvier en leur faisant miroiter des cadeaux et en leur disant que potentiellement ça va arriver le 5. Donc, ils doivent attendre 10 jours. Ah oui, c'est difficile d'être jeune en Espagne. Et ça, c'est la calbarata. Voilà, c'est un défilé des rois mages en Espagne. Et le 6 janvier. Et voilà, on y arrive. Le moment est enfin arrivé. D'accord. Les cadeaux. Melchior, Gaspard et Balthazar sont passés la veille pendant la nuit. Avant d'être allés se coucher le 5 au soir, les enfants ont laissé leurs souliers dans un endroit de la maison en évidence. Ce serait bête que les rois mages ne les trouvent pas. Et le lendemain, magie, les cadeaux sont là. Et bien sûr, on remange tous ensemble. Un roscón de reyes à partager en famille. Il s'agit d'un gâteau en forme de couronne avec des fruits confits pour représenter les bijoux des rois. Une fève s'est cachée, la personne qui tombe dessus est roi ou reine. Donc bien évidemment, ça fait référence à chez nous, hein, comme oui, tu as dit. Oui, c'est un peu la même chose. François, la galette des rois. La galette des rois. Donc voilà les fameuses dates de Noël en Espagne. Alors moi je resterai sur mes petits raisins. Quand même sur un petit 25 kilos de moyenne. Hein, c'est incroyable. En fait du coup, il doit y avoir une vente massive de raisins à Noël. Quoi. Ah bah oui, hein, c'est comme bon, ça. Bah, écoute, est-ce qu'on a le droit aux raisins secs? Je crois pas. C'est dommage. Non. Ou jus de raisin. Faut pas tricher. Jus de raisin fermenté. La tradition, on ne triche pas. Ah, c'est dommage. Ça aurait été pas mal, ça. Bah merci Kevin, en tout cas. Pas de rien. On te retrouve aussi à la rentrée. Bien sûr. Toujours dans la matinale. Alors voilà, avec des films. Il explique plein de choses. Écoutez la matinale de Fadjet, c'est important. Écoutez tous les programmes de Fadjet aussi. On continue cette émission spéciale. Tiens, on prend un petit peu la température. Vous entendez certainement en fond sonore tous ces gens qui discutent. C'est un peu ça aussi, hein, le Noël ici à Fadjet et la veillée surtout. Et donc, il y a une belle ambiance. On écoute un titre ou on enchaîne? Non, on fait un petit quiz collectif. Ah, j'ai plus. Tu as du son? Ah, il est parti. Il n'y a plus de micro. Il était en panne. Alors, on va parler à deux dans le micro. On va se faire un peu David et Jonathan, quelque part. Il fonctionne. Alors, voilà, je reprends l'autre micro. C'est ta Marie Laforêt avec ton grand fil. Marie Laforêt, elle avait un grand fil. Oui, elle avait un grand fil quand elle venait au Carpentier. Elle tirait sur son fil. Alors, question collective. Oui. Alors, je vais essayer de me lever. Ah, parce qu'en plus, le micro est entouré autour de la table. Là, c'est là, il y a des fils partout. Est-ce que tu veux le mien, mon petit chaton? J'ai un casque et tout. Alors, oui, non, oui, alors, si, tiens, je vais te donner. On va se faire un échange standard. Tiens, hop, c'est du direct. Oui, alors voilà, on essaye de vous expliquer la configuration. Nous sommes au rez-de-chaussée de la radio. Alors, mes petites questions. Attends, je te mets même à la page. T'as vu, je suis gentil comme garçon. Oui, t'as raison. Voilà. Alors, le public est toujours. Oh là là, oui, il faut que je fasse gaffe hein, parce que j'ai des fils de partout. Est-ce que le public va bien? Ok, très bien. On est mitigé, hein, on reste à Noël, on en voit un peu plus que ça. Hein. Alors, questionnaire numéro 3. J'ai un fond sonore derrière, j'ai l'impression que c'est des petites sauterelles qui parlent. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Alors, question de merci Jean-Luc qui s'amuse avec tous les trucs. Oui? Eh bien écoutez, oui madame, je suis à l'antenne hein, directement. J'essaye de parler au plus fort. Hein. L'auditeur doit m'entendre comme s'il était à côté de moi, certainement. Alors, questionnaire numéro 3. Tout bien, à fait. Ça, c'est bien ça. Oh, attention. Ça fait peur. Voilà, je place. On ne regarde pas de biais. On regarde de biais. Traditionnellement, pour les fêtes de fin d'année, quel chanteur animait les salves d'or? On lève la main si on sait. On lève la main si on sait. comme François est devant moi, je ne vois pas. Voilà, personne. Je répète ma question. Traditionnellement, pour les fêtes de fin d'année, quel chanteur animait les salves d'or? C'est très compliqué. Moi-même, je ne le savais pas. Joe Dassin, réponse 1. Oui. Vas-y, vas-y. D'accord. Joe Dassin, réponse 1. Henri Salvador, réponse 2. Ou Claude François, réponse 3. Alors. Henri Salvador, je dirais. Réponse, bonne réponse pour Kevin. Bonne Henri réponse, Salvador qui animait les salves d'or. Alors, ça, qu'est-ce que tu peux me dire un peu plus sur les salves d'or Salves d'or, okay. Ça a été une petite tradition dans la variété française à la télévision entre la fin des années 60 et le début des années 70. Henri Salvador arrivait avec son costume blanc à la télé le 25 décembre et proposait une émission type Maritier Gilbert Carpentier. D'accord. Avec plein de féerie dans les yeux. Donc, on est sur du contemporain. Tout à fait. Comme alors, toujours avec moi. Deuxième question. Deuxième question, ah, qui est assez précise. À quel moment les enfants allemands reçoivent-ils leurs cadeaux ? On parlait des enfants espagnols. Les enfants espagnols, c'est le 5 janvier. Et les enfants allemands, ils sont toujours en avance. Donc, à quel moment ? C'est à la Saint-Nicolas. Effectivement, réponse collégiale, Kevin et Clélia, c'est à la Saint-Nicolas qu'ils recevaient leurs cadeaux. Non, le jour de Noël ou l'épiphanie, c'était donc le 6 décembre. Question numéro 3. Alors, est-ce que vous connaissez Rudolf ? Oui. C'est qui ? Bravo. Tu as répondu à la question. Qui a répondu, on va mettre un petit... Bah, Clélia qui a répondu à la question. Voilà. Ensuite, tiens, nous allons faire un petit tour aux États-Unis. Mes lunettes qui s'envolent. Quel ingrédient... Eh oui, qui doit nous répondre à cette question. Quel ingrédient ne rentre pas dans la recette du traditionnel lait de poule que l'on boit à Noël aux États-Unis ? Bim. La cannelle, le blanc d'œuf ou le rhum ? C'est la cannelle. C'est une erreur. C'est pas du rhum. C'est une erreur. Donc... C'est le blanc. Le blanc d'œuf. Manifestement, d'après Gaël, on met de la cannelle et du rhum aussi. Dans le lait de poule. Eh ben, il n'y a pas de blanc d'œuf. Il n'y a pas de blanc d'œuf. Pas de blanc d'œuf. N'essaye pas de nous faire croire parce qu'on ne pourra pas aller aux États-Unis pour le justifier. Donc il n'y a pas de blanc d'œuf dans le lait de poule que l'on boit à Noël. D'ailleurs, c'est un bon goût ce truc ? C'est bon ? C'est bon ? D'accord. Donc c'est bon. Cinquième et dernière question. Oh bah, c'est un classique. Enfin, c'est un classique, mais on ne connaît pas trop la date. En quelle année ? Et ça se joue entre Kevin et Clélia. D'accord. En quelle année est sorti le petit Papa Noël de Tino Rossi ? Ouh là là, attention. Comme ça, le super point, bravo. Tu as gagné une guirlande de Noël, voilà, qui est juste là, tu la prendras guirlande sur de le Noël, sapin. Fadjet. Fadjet. Bravo à toi, Fred. Donc on a répondu à nos 5 questions. Mais complètement. Bravo, bravo à vous. Le petit Aymeric est attendu au micro. Le petit Aymeric est attendu. Dalida avec Vive le vent. Vive le vent avec Dalida. Bonne soirée sur Fadjet. Et jouez. Jour de l'an et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux mille bougies qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui rapporte aux vieux enfants les souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend cette chanson. Jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël mille bougies qu'on chante vers le ciel, les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. L'émission spéciale Noël du réveillon du 24 décembre continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h dans une très bonne ambiance. Il y a du monde ce soir, on est bien. Alors François est parti à la recherche de piles pour le micro HF, il va pas tarder à revenir. Et nous accueillons autour de la table Aymeric. Bonsoir mon petit chaton. Coucou, comment tu vas? Mais ça va bien. Oh, oh là, c'est l'émotion. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va nickel. Hein. Tu sais, c'est les fêtes de Noël, c'est la fin d'année, on retrouve la famille et tout. Donc, et c'est bien. Ça qui est bien, c'est ça qui est agréable. C'est la trêve des confiseurs. Point de confiseur dans ta chronique, mais du sport, je te reconnais bien là. Et oui, du sport toujours, hein, bah, comme d'habitude. Et à Noël, il y a une tradition dans les pays anglo-saxons notamment, c'est le Boxing Day. Donc ça intervient, donc ce ne sera pas demain, ce sera le 26. Le 26, on retrouvera des événements sportifs, notamment en foot anglais. C'est souvent l'occasion de voir des très très belles affiches. Et par exemple, en foot anglais, en Angleterre, en Premier League, on aura un très très sympa Leicester-Manchester City, donc l'ancien champion du monde contre... champion d'Angleterre, pardon. Oui, c'est déjà pas parce mal. Que champion du monde, c'est l'équipe de France. C'est compliqué. Hein, et face au champion d'il y a deux ans, Watford. Je n'y connais pas grand-chose, mais ça, je sais que c'est bien. Ouais, c'est les genres de matchs qui nous plaisent. Il se passe toujours des trucs un peu fous. Par exemple, le dernier peut atomiser le premier 2-0. Enfin, des trucs un peu improbables. Et tu arrives à l'analyser, tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. C'est l'euphorie des fêtes, je pense. C'est l'euphorie je des pense fêtes. Que c'est l'euphorie des fêtes. C'est le miracle 26. De Noël. Voilà, c'est ça. Le 26, c'est le miracle de Noël. Ah, c'est bien dit. Et... Écoute, j'avais jamais vu ça comme ça. Ce Boxing Day, il s'exporte ailleurs, il s'exporte en Italie maintenant, où on aura une nouvelle journée de championnat aussi, avec un très très beau match, encore une fois, comme en fait, pour Noël, on a des cadeaux, non seulement sous le sapin, mais aussi à la télé, avec l'Inter Milan qui recevra le Napoli, donc l'Inter Milan, club historique qui affrontera le Napoli, qui est deuxième du championnat depuis maintenant quelques années, derrière la grande Juventus de Turin, que je ne présente plus maintenant. Tradition, je l'ai dit, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, il y a une tradition, c'est le NBA Christmas Day, donc le match de NBA. Oh, il y a France. Excuse-moi, j'étais en train de faire des pompes, hein, bah, je savais que tu venais, donc je m'échauffais. Oui, bah sport. Non, mais c'est bien, je vois que t'es affûté. Ah, bah je suis affûté, attention. Hein. Du coup, je disais, ouais, le NBA Christmas Day, donc en fait, c'est le 25, donc ce sera demain à partir de 18h. On retrouvera les Knicks de New York qui affronteront les Bucks de Milwaukee, donc duel entre. Des outsiders pour le titre de champion de la conférence Est. Le jour de Noël. Le jour de Noël, incroyable. Le 25. Ils sont payés double. J'en ai aucune idée. c'est une bonne question. Au vu de leur paye, ils sont pas dans les deux. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, okay. Sinon, il y a 21h, il y aura les Rockets de Houston en basket toujours qui affronteront le Thunder de Oklahoma City. C'est duel entre les deux meilleurs joueurs, deux des derniers meilleurs joueurs de la saison. Tu vois comme Gaël, regarde, il connaît tous les joueurs. Mais il se concentre. Russell Westbrook, James Harden, des noms qui te parlent ou pas du tout? Non. Eh ben écoute, en tout cas, je pense que les spécialistes de basket, ça leur parlera les deux noms là. Les Celtics de Boston, ça te dit quelque chose? Ça oui. Ils affrontent les Sixers de Philadelphie. Ça non. Allen Iverson? Non plus. Eh ben c'est pas grave, c'est non, les mais deux. J'ai tout à apprendre. Moi, c'est les deux bien. Futurs prétendants au titre de champion de la conférence Est qui se rencontrent à 23h30. On l'avait dit au tout début de l'émission, on va apprendre plein de choses ce soir. Effectivement. Dans le basket américain. Sinon, les Warriors de Golden State affrontent à 2h du matin les Lakers de Los Angeles. Ah, ça fait tôt pour moi. C'est trop tôt. Ce sera dans la nuit, donc ce sera le 26 à 2h du matin. Les Lakers, LeBron James, ça te dit quelque chose? Ah oui, là quand même. C'est évident. LeBron James. Ben oui. LeBron James. Non, il connaît pas. À sa tête, il connaît pas. Stephen Curry. Ah, c'est le Rio Curry, voilà. Le Rio Curry, le même, voilà, c'est ça. Et ben, il s'est mis au basket, il en avait marre d'être dans l'assiette. Voilà. Ouais, donc en fait, là, c'est le champion en titre NBA, le double champion en titre NBA qui affronte la nouvelle équipe de LeBron James, le meilleur joueur de la ligue. Et sinon, Portland affronte le Jazz à 4h30 du matin. Et alors j'en profite tant qu'on est là, qu'on parle de basket. Oui, il y aura pas les Pacers d'Indiana. Je parle d'Indiana parce qu'on a, on connaît quelqu'un qui nous est très cher à Fadjet, qui habite dans l'Indiana. C'est Evie. Alors Evie. Donc voilà, les Pacers d'Indiana ne joueront pas ce Christmas Day. Mais alors ils sont au niveau eux? Ah, ils sont une très bonne équipe. Ils sont 4 son quatrième alerte en ce moment. Ah. Et bizarrement, ça fait que depuis qu'Evie est arrivée là-bas, que l'équipe se porte bien. Donc je pense. Comment que ça se fait? Il y a un lien de cause à effet. Tu vas au match, Evie? Non. Oui, elle est dans le. Tu viens leur remonter le moral, non, là. D'accord, les Pacers. Sport US toujours, avec de la NFL, le foot américain, vous savez, ce sport de bourrin, ah ouais, qui est absolument fantastique. Là, tout, partout. Ouais, c'est ça. Il y a des cervicales même qui volent. Même tu pètes protection et tout. Ouais. C'est ça. C'est beau. Il y aura un petit match, ce sera tout à l'heure à 2h15 du matin. C'est les Raiders d'Oakland qui affrontent les Broncos de Denver, les Denver Broncos qui sont allés au Super Bowl la saison dernière, donc c'est la finale du championnat de NFL. Et donc, les deux équipes qui s'affrontent dans un match de... Ouais, NBA Christmas Day en quelque sorte, quoi. Ça se passe le réveillon chez eux, mais chez nous, le décalage horaire oblige. C'est un match de football américain tout à fait classique, sauf que sur le terrain, il y a des rennes. Et c'est ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour le quarterback, il joue en Père Noël. Il a un bonnet de Père Noël, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Ah, pas mal, voilà, pas mal. C'est original. Et sinon, on va finir avec ça, on va aller à Sydney, un petit voyage, c'est une course qui a lieu tous les 26 décembre, tous les ans. C'est la course du Sydney Hobart. C'est une course à voile qui a lieu en Australie. Donc voilà, c'est histoire de... Le record du monde actuel, le record de cette course, c'était en 2017, c'est 1 jour, 9 heures, 15 minutes et 24 secondes pour 1167 kilomètres parcourus. Et quel temps il fait à Sydney un 25 décembre? Mais il fait beau. Plus chaud, plus chaud, plus je chaud, pense. Plus chaud, je hein. pense. Faites Noël à la plage. Oui, oui, j'adore ça. C'est ça. Voilà, voilà. Et pour compléter ce que tu disais, concernant le sport, vous avez également la Formule électrique. La Formule E. Ouais, la Formule exactement. E. Qui a commencé son championnat il y a donc maintenant 2 semaines et qui continue durant et qui est tout l'hiver. Tout aussi impressionnant que la Formule 1. Oui. Voilà. Mais c'est tout ça change, c'est moins polluant. Ils ont rien à perdre en fait en Formule 1. c'est des anciens pilotes de Formule 1 pour beaucoup. On retrouve Massa par exemple. C'est un peu ce qu'est le championnat de foot états-unien au footballeur européen. Quoi. C'est beaucoup plus maison de retraite. Ouais, et c'est décomplexé, les mecs ils ont pas peur quoi, donc ils y vont. Et c'est plutôt intéressant pour les fans de Formule 1 dont je suis. C'est une jolie petite transition avant que la Formule 1 revienne au mois de mars. Effectivement. Emeric, on retrouve dans la matinale du lundi notamment, dans oui, ton dans programme la... aussi. Du foot, encore. Du foot, on a pas les lundis. C'est les lundis. De 18h à 19h, voilà. Voilà. Et puis tu fais le 13 en forme aussi. Le 13 en forme le vendredi. Voilà, il est partout, ça. Il est partout, il n'arrête pas. C'est mon côté N'Golo Kanté. Il est partout, le 13 en forme, oui aussi, qui est représenté ici ce soir pour la veillée de Noël. Eh bien, merci à toi, Emeric. Eh ben, je vous souhaite un bon réveillon. Bah oui, merci, à l'écoute de Fadjet. En famille pour toi? En famille, oui, totalement. Bah, nous, c'est important, ici, la famille. Avec Gaël, on reste ici. Hein. Oui, nous, on reste là. Vous êtes un peu de ma famille, c'est pour ça que je suis mignon. Merci, bah, oui. Mignon. Une petite bûchette va nous être servie tout à l'heure. Jusqu'à 23h, oui. Jusqu'à minuit. Oui, tu continues, toi. Hein, ouais, hein, il en redemande, le coquin. J'aime ça. Bon, le programme continue. Alors, on en est où dans notre soirée? Alors, avant de jouer, nous allons demander à Aminata de nous rejoindre à la table. Aminata qui se sert un petit verre pour pouvoir... qui va arriver complètement alcoolisé à la table. Voilà, Aminata. Et ensuite, on va se remettre à jouer avec le public. Donc, soyez concentrés sur la chronique d'Aminata dans un premier temps, puis sur le jeu, car nous allons attaquer le questionnaire numéro 4. Aminata est donc avec nous. Jette les papiers dans le public, t'as vu. Vas-y, ouais, nourris-les, ouais. Vas-y. Ouais. Mangez. Les verres, quoi. Ils veulent manger des verres. Ah, d'accord. On n'a plus de verres, je crois. Non, on a tout mangé, toi, les papillotes. Hein. C'est pas moi, j'ai rien fait. Alors, nous étions en Espagne tout à l'heure avec Kevin et Aminata va nous entraîner dans emmener. Les Noëls, nous emmener dans les Noëls en Afrique. En Afrique. Exactement. Aminata, une particularité, c'est qu'elle parle toujours dans le micro de biais. En biais. Alors, elle est toujours de biais. C'est sa spécialité. Écoutez, on la voit le jeudi, elle parle comme ça. Écoute, moi, j'allais se faire. Je préfère en biais qu'à 4 km du micro. C'est sa spécialité du jeudi. Elle parle en biais dans le micro. Alors, je vais vous emmener en Afrique, du Ghana, en Afrique du Sud. Oui. Toutes les communautés chrétiennes décorent les magasins et les églises. Alors, cap en Afrique du Sud. Mais je redresse un peu le micro. Voilà. Alors, fêter Noël en Afrique. En Afrique, c'est fêter Noël en période d'été. Ouais. Oui, forcément. Les températures avoisinent entre 15 et 30 degrés. Donc ça c'est chaud quoi. Ouais, 30 degrés à Noël, ça me ferait étrange, moi, quand même. Hein. Oui. Même s'ici, si il pleut tout le temps, oui, tu vois, il n'y a pas si froid, mais 30 degrés, ça serait quand même particulier. Ouais. Et les fêtes de fin d'année se déroulent en milieu de grandes vacances scolaires sud-africaines, un peu comme notre 14 juillet et 15 août. Donc, à noter, le 26 décembre, c'est également un jour férié. Il s'agit de la journée de la bonté, de la bonne volonté. De la bonne volonté ? Ouais. C'est joli, ça. Ouais. C'est un héritage anglo-saxon. Ouais. Et comme vous le savez, peut-être ou pas, près de 80% de Sud-Africains sont de confession catholique. Ouais. Et pour ce 24 décembre, notamment, c'est, ben, si vous souhaitez assister à une messe, c'est direction Soweto, où vous pouvez assister à une messe rythmée de gospel. Ah, ça j'aime, une messe rythmée de gospel. Oh, voilà, je trouve ça change. Donc on a le 25 et le 26. Ouais, d'accord. Le 25 et le 26. Et à la place Nelson Mandela Square à Johannesburg, il y a une grande place où il y a le baobab. Nous, c'est le sapin. Et eux, c'est le baobab de Noël qui scintille de mille feux. Dis donc, Gaëlle, tu as mis ton baobab de Noël. Oui, tout à fait. Oui. J'ai mis des guirlandes dessus. Voilà. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Tour d'horizon des repas de Noël en Afrique. Allez, à table. Voilà. Alors, la célébration de Noël en Afrique est l'occasion de déguster des mets délicieux dans le partage et la convivialité. En Afrique du Sud, notamment, le menu traditionnel est fait de rôti de bœuf, de dinde, de riz jaune et de légumes, accompagné de légumes et bien sûr des desserts. Costaud quand même. Hein, ah oui, ouais. Ah, faut on ne présente pas. Ah, oui, au Cameroun, la fête de Noël, précisément dans la région nord-est, est célébrée autour de l'Eru, un délicieux mets à base de légumes et de poissons fumés. Il est cuisiné à base de feuilles comme une sorte d'épinard. D'accord. De petites feuilles, du poisson fumé et de la peau de bœuf. Ouais. Au Kenya, c'est le Nyama Choma, égayé de... Ben voilà, si vous souhaitez avoir les papilles qui gustatives, qui explosent, gustatives. C'est à base de viande de chèvre, rôti, qui est aussi accompagné de légumes. C'est assez consistant. Ouais. Et en Éthiopie, c'est le Duru Wat. C'est un poulet. Ouais. C'est un poulet à sauce avec une sauce mijotée dans la tomate, du gingembre. C'est épicé. Et très épicé. Très épicé, ça m'a l'air très épicé. Et très épicé. Et c'est la même tradition qu'on peut retrouver au Rwanda, au Nigeria et au Libéria. D'accord. Voilà. Et au Congo, c'est le sakasaka. C'est un plat typique à base de feuilles de manioc. Ouais. Avec, bien sûr, toujours accompagné de légumes grillés. Mmh. Donc, c'est... Ça me donne faim. On mange quand un peu. On mange quand je parle. De 9 je minutes salue, bah, pour manger. On n'aura pas tous à ce soir, hein, j'ai l'impression. Non, je crois pas, malheureusement. Alors, testons vos connaissances. Ah, oulala. Alors, déjà, pour vous mettre en mise en condition, combien de pays africains... combien de pays composent l'Afrique, plutôt? Alors, 35... Prof, non, mais arrêtez de rappeler que je suis prof de géo, merci. 35, 54 ou 48? Oh, allez, 35. Non, non, 54. Plus que ça, ou le maximum 54. 48. Ouais, les trois, quoi. Mais, hein. 54. 54 pays 54. D'Afrique. Voilà. D'accord. Alors, combien y a-t-il eu d'équipes africaines lors de la Coupe du Monde 2018? Ah, il y en a plus que d'habitude, deux, non? On a dit deux aussi, moi. Deux, sept ou cinq? Deux, cinq. Lesquels? Le Sénégal. Le Sénégal. Oui. Et l'autre? Cameroun, ils étaient en 2018, là? Ouais. Ouais. Deux? Non. Alors, le Sénégal, t'as dit, oui? Oui. Pas le Cameroun? Non. Non, bah non, ils étaient pas en 2018, le Cameroun. Ouais, l'Égypte. L'Égypte? Oui. Alors, il y en a plus que ça, du coup. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des réponses, là, tiens? Il y en a deux, déjà. Suis pas le foot? Le Nigeria? Ouais. Trois. Coupe du monde de 2018. Nigeria, Sénégal, Égypte et... Le Togo? Oui, Maroc, j'ai entendu. Maroc, 4. Donc il y en a encore 1. Et on l'a déjà dit, il est dans les 4. Égypte. Je me suis perdu en route là. L'Afrique du Sud. Tunisie. Tunisie. D'accord. Coupe du monde 2018. Donc on les rappelle, Tunisie, il y avait. Alors Maroc, Tunisie, Égypte Nigeria et le Sénégal. Oui, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Voilà. Avec qui le rappeur MHD a fait un featuring dans son dernier album 19? Booba. Alors, Wizkid, Booba ou Soprano? Booba. C'est Booba? Booba. Je sais pas, c'est celui que je connais. Wizkid. En fait. Voilà. On l'a passé un matin, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais plus ce qu'il fait, Wizkid, mais il est sympa. Ah, il a le mérite d'être sympa. On l'aime bien. C'est un chanteur nigérian. Alors, qui est la chanteuse malienne qui a sorti son album Fenvu, dont j'ai pu faire une... Ayana Kamura. Non, alors... Non. Alors, les propositions, c'est Ina Moja, Oumou Sangaré ou Fatoumata Diawara. Oh, ben, je ne sais plus, Aminata. Fatoumata. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Quel producteur américano-sénégalais a lancé les carrières de Wizkid et Lady Gaga? Malik Ndiaye, Ibrahima Sina ou Econ? Econ. Econ. Econ. Alors, quel artiste français a été la plus écoutée sur Spotify France? Jaju, Aya Nakamura, Niska. Aya Nakamura. C'est elle? Oui. Jaju. Oh là là. Excusez-moi. Dans quel pays africain est originaire Soprano, l'artiste français le plus plébiscité ces dernières années? Congo, Comores ou Madagascar? Comores, Congo. Comores, Soprano, Comores. C'est ce que j'ai dit. Avec son groupe Psychiatre de la Rime. Ouais. Exactement. Dans quel pays... Je fais un peu de rap, voilà. Chez moi, non, voilà. Dans quel pays fictif se déroule le film Black Panther? Bosanga... Ah, il y a une réponse dans le public. Wakanda. Exact. Ah, tu le fais bien, Rémi. Voilà. Bah merci Aminata pour ce petit blind test en même temps quiz. Bah merci à toi d'ailleurs Aminata qu'on retrouve. Et aussi on va faire un petit peu de pub pour Aminata qu'on retrouve aussi sur son blog parce qu'elle tient un blog, c'est le mondeduwax.com si je ne m'abuse. Oui. C'est ça Aminata. Et donc tu parles de quoi sur ton blog? De mode et de lifestyle africain. Africain. Donc, voilà. Et on retrouve une chronique un peu autour de ça tous les jeudis matin. Tous les jeudis avec toi. Ouais. Dans la matinale. Merci à toi. Merci à toi. Et on poursuit notre programme spécial. Oui. On a encore un petit peu de public ici. Oui, oui, on a encore un peu de public. Alors, est-ce qu'on fait un quiz, mon Gaël? On peut faire un quiz. Le cœur. Tu fais le quiz? En fait, on fait un quiz collectif. Donc, tiens, prends... Ou alors, prends un micro. Allez, vas-y, on va faire un quiz. Si t'as... Alors, voici... Comment ça va, Evie? Evie, qu'on rappelle, qui était avec nous il y a quelques temps. Mais oui. Ça fait plaisir d'être de retour sur 94.2. Ça fait un moment que t'es, t'es partie, t'as quitté Fadjet, t'étais le community manager qu'elle était chez nous. Ah bah bravo. Oui, pendant... Tu t'entends pas? Je disais que t'étais community manager chez nous pendant... Oui, il y a deux ans et demi, trois ans. T'avais aussi une émission à l'époque. Oui. Qui s'appelait? C'était Crazy in Fadjet. C'est ça, oui. Et Anthony qui est toujours là, d'ailleurs, dans la matinale, qui était avec toi. Matinale, toujours ouais. La matinale du jeudi. Mercredi matin. La radio, ça te manque pas? Oh si. C'est vrai? Ah oui, aux États-Unis ils font pas de radio, ils mettent que de la musique. Ouais. Il y a pas Ah oui? Ah bah tiens, justement, oui, tiens, ça m'intéresse. Comment se fait la radio aux États-Unis? Comment se fait la radio aux États-Unis? Pourquoi tu dis que de la musique? Personne ne parle. Comme en France, ils parlent dans des micros. Bah oui, non, mais tu dis que personne ne parle, il y a que de la musique. Je sais pas, j'écoute pas la radio. Ah, t'écoutes pas la radio? Mais t'écoutes Fadjet aux États-Unis? Est-ce qu'il y a le culte? Ah, bah, voilà, mais est-ce qu'il y a le culte de la radio là-bas? Est-ce que comme nous? Non, il y a le culte de la télé. Ah, c'est la télé plus. Ah oui, ils regardent la télé, ils écoutent pas la radio. C'est, bah, non, mais moi je ne sais pas, tu me dis ça avec un mépris certain. Bah oui, mais je te méprise certainement, c'est pour ça. Mais je ne savais pas, moi, qu'il n'y avait pas de. Ah non, bon, d'accord. Bon, bah elle dit n'importe quoi, puis moi je la crois, parce que sous prétexte qu'elle a fait un petit stage aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est une américaine. Bon, voilà, bah écoute, voilà, non, mais ça m'intéresse, moi, de savoir comment se passe la radio là-bas, et je ne sais pas. Ils s'en foutent en fait, ils veulent le quiz. Bah écoutez, bon, alors le quiz. Nous avons encore nos deux vainqueurs devant. Bah, tu vas où avec le fil? Elle part. Regardez là, elle s'envole. Non, non, j'écoute, voilà. Mais je t'entends. D'accord. Mais je vais dans le public, tu vois. Je fais un peu interville comme ça. C'est ça. Alors, première question, mon cher Gaël. Première question, qui ne distribue pas les cadeaux à Noël en Italie? Petit A, le petit Jésus. Petit B, Saint-Sylvestre. Petit C, Sainte-Lucie. Attention. Un des trois, forcément. Bien, un des trois, forcément. Le petit Jésus, Saint-Sylvestre ou Sainte-Lucie? Ça n'a pas l'air d'inspirer le public. J'ai l'impression. Emery, qu'est-ce que tu penses? On a une petite réponse là-dedans. Attends, il a la bouche pleine, il mange. Il y a une main qui est levée. Sainte-Lucie. Eh bien, non, malheureusement. Ce n'est pas Sainte-Lucie. Nous le fêtons. Non, nous le fêtons le 31 décembre. Bon, bah, Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, bon, oui, bah, il y a trois questions, trois réponses. C'est une petite déduction facile. Hein. J'ai envie de dire bravo. Effectivement. Ouais, on a le son derrière, le coin. Non, mais alors, Oh bah en même temps, vous voyez, on peut manger. Oh. On nous apporte à manger, c'est comme merci beaucoup. Ça doit faire un bruit génial. Allez, en quand même. Ouais. Ok, maman. Bon. Bon appétit. Oh là là. Bah, Evie, prends le relais. Hein. Oui, bah, donc, du coup, question numéro 2. Bravo. Je te laisse avaler. C'est Noël en famille, Evie, quand même. Mince. Je te laisse avaler. Attends, mais on a perdu Gaël. Là, on va lui laisser une minute. Ouais, quel acteur principal du film Super Noël? Quel est l'acteur principal du film Super Noël en 1994? 1994, l'acteur principal de Super Noël. Est-ce qu'on a les prépositions? Oui. Tu les veux? Ouais. Oui, bah oui. Tim Allen en A, Matthew McConaughey en B ou Arnold Schwarzenegger en C? T'entends moi pas? Je sais, moi. On n'entend voilà. Pas l'acteur de Super Noël en 1994. Est-ce c'est que ça, c'est Tim ça. Allen? Est-ce que c'est Schwartzy ou est-ce que c'est McConaughey? McConaughey. Le troisième? Non, c'était Schwarzenegger. Non, et bien la dernière réponse. Tim Allen. C'était Tim Allen. On est mauvais, hein. Oui, bah on est oui, très 94. Mauvais. Arnold Schwarzenegger avait eu son attention. Petit film de Noël aussi. Hein. C'est ça, avec mm-hmm. Ça s'appelait comment d'ailleurs ce Super truc. Noël. Ah, crois. Super Noël. Troisième question, très facile. Attention, la réponse doit être donnée au bout de 3 secondes. Doit fuser. Tu peux donner la réponse si je la connais? Si tu la connais, tu as le droit de donner la réponse. Ah, c'est bien, j'ai le micro. Qu'est-ce qu'un bredele en Alsace? Une pâtisserie. Un bredele. Bravo. Un bredele. Ouais, voilà. C'est... Particulièrement. C'est des pâtes. Oh, ok. La tristesse. La tristesse de la réponse de Souhaine qui m'a dit ça croyant que c'était la bonne réponse. C'est pas des pâtes. Mais pas du tout, Souhaine. Non, c'est des petits gâteaux. C'est une pâtisserie de Noël. Oui. Ce sont des petits gâteaux, effectivement, de Noël. Bah oui, bah, ça passait bien. Elle me dit qu'est-ce qu'un bredele en Alsace? Elle me dit c'est alsacien. Bah c'est bien. C'est bien. Strudel. Strudel. Un petit gâteau. Qu'est-ce qu'un bredele en Alsace? Ce sont des petits gâteaux. Bredele. Vous saviez pas ce que c'est que les bredeleux? Non mais c'est bredeleux. Fait partie de la grande région quand même. Hein? Toi, t'as dit en Allemagne et t'as pas dit l'Alsace. J'ai pas dit en Allemagne, mais c'est pas... ils m'entendent pas du tout en fait. En fait, vous nous entendez pas en fait, absolument pas. D'accord. Bah, une quatrième question peut-être. Oui. Quatrième question. Ça n'a rien à voir. Qui n'a jamais sorti de medley de Noël? Je parle qui... bien de medley de Noël, pas qui d'album. Qui n'a jamais sorti de medley de Noël? Petit A. Qui? Ah non, là il y a des propositions. Laurie n'a jamais rien sorti pas. Du tout. Sinon Didier Deschamps non plus à la rigueur, vous voyez. Zidane. Voilà. C'est vrai que beaucoup de monde. Petit A, les Destiny's Childs. Petit B, Tino Rossi. Petit C, Lynn Renault. Je parle bien d'un medley de Noël. Destiny's Childs, Tino Rossi, Lynn Renault. Alors. Tino Rossi, il chante que des chansons de Noël. Très non, bonne il a réponse de Souhaine. Oui, il a jamais fait. Il a jamais. Tino Rossi ne chante plus. Hein, D'une part. Comment ça, il ne chante plus? Bon, il a arrêté sa carrière. On sur m'a le pas côté, dit. Hein. Vers 83, par là. Il en a eu marre. Carrière trop tôt. Effectivement, ah, Tino Rossi. Des... On entend des cris d'enfants ou de chiens. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le Père Noël est en train de rentrer dans Fadjet. Il y a un cri d'enfant-chien dans la salle. Tino Rossi n'a jamais sorti de medley de Noël. Il a chanté des wagons de chansons de Noël, mais jamais de medley. Les Destiny's Child, DC Christmas Medley, je crois que ça s'appelait, en 2002. Et Lynn Renault a medley en 87 avec plein de chansons de Noël dedans à l'intérieur. Bah, il n'y a pas une radio qui a mis toutes les chansons de Tino Rossi ensemble pour faire un medley. C'est vrai qu'on peut faire un medley de Tino Rossi. Bah voilà, Fadjet, on va innover. On pourrait. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais alors attendez, dans la salle, j'ai l'impression que. Qu'est-ce que. On entend des enfants. Des enfants. Ah, bah oui, c'est ça, oui, oui. Ah oui, bah on sait à qui ils appartiennent ceux-là. Voilà, on sait. Alors, dernière question. Dernière question avec, avant une pause musicale. Le 25 décembre 1991. 25 décembre 91. Quelle personnalité politique démissionna de son poste? Quelle personnalité politique démissionne de son poste? Est-ce que c'est forcément en France? Non, c'est pas en France. C'est Khrouchtchev en Russie. Alors Khrouchtchev, ça fait bien longtemps qu'il avait lâché le morceau. Gorbatchev. C'est Gorbatchev. Bravo! T'as vu ça un peu? J'ai dit bon reste de mon bac passé en 2009. Hein. On a l'impression qu'Evie elle est en différé de nous. Tu sais, elle reste. Oui, c'est ça. Ouais. Elle est dans un... Tu sais, quand t'as les journalistes qui sont dans un coin paumé et puis elle est là. Tu sais, tu laisses 20 secondes de décalage. Alors oui, c'est sur place dans le public de Fadjet. Il y a une ambiance de fou. Bon voilà, retour à vous en studio. Merci Evie, direct from Nancy. Par là, rue Charles III. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon Gaël? Alors moi je m'écouterai bien un petit Jackson 5, ah si bon c'est possible. Avec un titre Noël. Avec Frosty the Snow. Ah, The Snowman, je vais y arriver. C'est la bûche. Et bienvenue peut-être à ceux qui nous rejoignent. Mais oui. Joyeux Noël à tous. With a coin cup pipe and a been some magic care that old sail had they found. Émission spéciale Noël sur Fadjet, animée par Gaël et Françou. Et oui, on passe une belle soirée ensemble, un beau début de soirée, un joyeux Noël à tous, en tout cas à tous nos auditeurs de Fadjet qui nous écoutent peut-être sur le 94.2 ou peut-être même sur Fadjet.net en direct. Merci à vous de nous rejoindre. On se succède à l'antenne, il y a des chroniqueurs qui viennent nous voir et qui parlent bien sûr tous d'un sujet. Le sujet du soir, c'est le sujet de Noël, bien sûr. Et Joss, alors Joss qui est dans la matinale entre autres du mardi. Je sais pas pourquoi j'ai tout le monde dans le jeudi, mais c'est le mardi, Joss. Joss a pour habitude un peu de parler de jeux, c'est ça ? Je parle de jeux en ce moment. Et là, tu vas nous parler de jeux ce soir aussi. Voilà, alors Noël, c'est une belle période, c'est évident, c'est une belle période de fête, mais surtout, c'est surtout aussi une période de vacances où on peut se réunir en famille et faire une pause pour passer de bons moments. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Depuis vendredi pour certains. Qui sont en vacances scolaires. Oui, en voilà. En vacances scolaires, voilà. Donc Noël est une fête féerique, mais pour donner un peu plus de plaisir dans vos soirées, moi je vais vous proposer des jeux d'ambiance que vous pourriez faire avec vos parents, vos grands-parents et vos amis. Alors Joss, on abandonne les tablettes, les téléphones portables. Tout à fait. Et on joue à des jeux. Il y a tellement de plaisir à jouer et à se retrouver et s'éclater. Et j'espère que ces jeux, vous les aurez demain matin devant votre petit sapin. Non, mais c'est vrai, il y en a assez d'être toujours la tête dans son tout téléphone. Tout à fait. Donc on peut faire et moi, je vous assure que quand je joue, je m'éclate. Eh bien, écoute, alors lequel vas-tu nous proposer en premier ? Je vais survoler quand même les deux jeux que j'ai proposés antérieurement mardi. Donc c'était le 6 qui prend, c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu de 104 cartes. 104 cartes, c'est de ça ? De 1 à 104, numéroté de 1 à 104, d'accord, sur lesquels il y a des petites têtes de bœuf. Des petites têtes de bœuf ? Voilà. Oh, et le but, c'est de ne pas de comptabiliser le moins de têtes de bœuf. D'accord. Je vais passer vite au caroum pour vous proposer ce jeu qui est très intéressant. C'est un billard indien. Et le but de ce jeu, c'est affiner son expérience dans le tir en pitchant. Alors, on pitch avec les doigts ? On pitch avec les doigts, si on pitch avec des billes. Donc, c'est une bille ? Oui, c'est un peu... Non, ce sont des palets. Et ça se joue sur un petit plateau ? Ça se joue sur un plateau de 74 cm sur 74 cm. D'accord. Donc, et ça s'appelle le ? Le caroum. Le caroum. Ah, mais on connaît ça, le caroum. J'ai déjà entendu parler du caroum. C'est un billard indien. Vous savez aussi le Jungle Speed. Le fameux Jungle Speed. On se tape tous dessus. Un des classiques. Avec des cartes, il y a un jeu de réflexe et d'observation. Donc ce soir, je vais vous proposer le Go. Alors, le Go, Alors, c'est quand même... on peut dire que les jeux, c'est de 7 à 77 ans, mais le go, c'est quand même particulier pour des gens qui sont quand même dans... Ah oui, on entend. Ah, Joss, elle essaye de porter la voix. Hein, mais, oui, je porte mais continue, Joss, garde alors, Pauline. Le Go, c'est un jeu origine de Chine et c'est le plus ancien jeu de stratégie. Il date du 15e siècle. Oh, c'est vieux. Ouais, c'est vieux. Aussi vieux que moi. Bah, non, peut-être pas. Non, Joss, tu es jeune et fraîche et belle. Et donc, à ce jeu, on peut jouer qu'à deux. D'accord. Alors, sur un plateau, avec des pions blancs et noirs. Et le but de ce jeu, c'est de construire des territoires en encerclant son adversaire comme prisonnier. D'accord. Je vois là qu'on connaît le Valentin, jeu. T'aimes bien ça? Tiens, prends un micro, Valentin. Ça fait peur. Ça fait c'est peur. Pas... Oui, voilà. Alors, certes, le jeu est celui qui, celui qui gagne et celui qui totalise le plus de territoire. Et c'est un jeu qu'on... Il faut à peu près une heure hein, quand même hein, pour y jouer, hein, pour bien tu jouer. Tu joues, toi, au Go? Alors, j'ai un plateau, mais j'y joue très peu. Voilà. J'ai un plateau de Go chez moi. D'accord. Voilà. Moi, j'ai joué, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Vous avez aussi le blocus. Alors, le blocus, c'est bloc, un... Blocus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Blocus, on bloqué. Bloqué. Donc, c'est un jeu de stratégie et de logique. Alors, sur un plateau où il y a 400 cases. Oui. Alors, vous avez des pièces, il y a 24 pièces de 4 couleurs, de formes différentes, et vous avez de couleurs bleues, jaunes, rouges, vertes. Et le but, c'est de placer ces 21 pièces en essayant de bloquer son adversaire. Bloc, bloc, bloc, bloc, bloc, bloc, bloc, bloc. Lorsque le jeu est bloqué, la ouais. partie est terminée. Et le joueur qui gagne, c'est celui qui a le moins de petits carrés. Parce qu'on compte les petits carrés. Ah, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler d'un jeu pour les plus petits. Parce que les plus petits... Oui, parce qu'il faut les occuper quand même. Ah, faut les occuper. Pendant qu'on joue à Blocus. Le Blocus, ils peuvent y jouer. Hein, ils peuvent commencer. Alors, je vais vous parler du Ali Gali. C'est un jeu qu'on peut commencer à partir de 6 ans. D'accord. Se joue sur 15 minutes et on peut y jouer de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu de cartes et au milieu de ces cartes, on met une petite sonnette au milieu. Donc les cartes représentent des fruits, des bananes, des fraises, des citrons, des prunes. Et attention, aussitôt que vous avez 5 fruits identiques, le but c'est de taper tout de suite sur la petite clochette. Et vous récupérez les cartes. C'est un jeu d'enfant ? C'est un jeu d'enfant, mais vous pouvez... tu peux y jouer, François. Hein, parce que oui, non, il n'y a pas d'âge pour jouer à non, la Ligue. Non, mais moi, je suis un enfant. Jamais d'âge, je suis un enfant. Et celui qui gagne, c'est celui qui rassemblera le plus de cartes. D'accord. Donc, moi, je gagne. C'est vrai ? Oui. Tu es joueuse. Ouais. Ça finit toujours un peu en pugilat, quand même, les soirées-jeux. C'est vrai. Tu passes un bon Noël et en fait, ça termine en baston. Alors, on se lance des pièces en bois en pleine tronche. Oh, c'est pas sympa. Je vais vous parler du dernier jeu pour ce soir. Oui. Parce que sinon... ça en fait une paire, là, quand même. Ça en fait quand même une paire. Non, on en a pour toute la nuit. On a pour toute la nuit. Le Picomino. Le Picomino. Picomino. Alors, est-ce que Picomino. C'est comme les dominos ? C'est tout à fait comme les dominos. Sur le Picomino, vous avez un chiffre. Alors, le chiffre est de 21 à 36. Et en dessous, vous avez des petits vers. Des vers de terre ? Des vers de terre. Non, ouais. Pas, tu ris ? Oui. C'est une blague ? Non, non, c'est pas une blague. Dans ce Picomino, vous avez... Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Non, qu'est-ce que c'est des petits vers. Mais bien sûr, c'est un vers qui est représenté. C'est pas un vers. Et ce jeu est allemand. Ah, le Picomino. Le Picomino. Alors là, c'est un jeu qu'on peut jouer à partir de 7-8 ans jusqu'à... Voilà. Il a été créé en 2005. Alors, pour commencer ce jeu, alors vous avez des dés aussi. Et sur ces dés... Ah, des dés, avez... ah, il est toujours là, des dés. Un copain des dés. Alors, un dé, il est composé de 6 cases, dont les cases sont de 1 à 5, mais le 6e, c'est remplacé par un petit vert. Mais c'est dégueulasse. Alors, pour commencer le jeu, ce qui est étonnant, c'est que les joueurs devront imiter au mieux le dindon. Alors, qui sait imiter le dindon ? Moi, donc en fait, voilà, c'est compliqué. Il faut imiter le dindon. Tu joues avec des vers, c'est bien compliqué. C'est tes très affaires. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et là, donc, le joueur commence et le vainqueur sera le dindon qui aura becqué le plus de un plus verres. Grand nombre de petits vers. Ah, je comprends. Je voilà. comprends. Alors, j'espère que ces petits jeux, vous les trouverez sur votre sapin. Et là, vous avez un aperçu de ce jeu. Bah merci Joss, on va essayer de jouer en tout cas à Noël avec Gaël. Bon là on est bien occupé, hein, mais c'est vrai que c'est important de jouer en famille. Je trouve qu'on a toujours la tête dans le guidon, la tête dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs. Et même à Noël, hein, on peut voir, regardez autour de vous, c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder quand même son téléphone, à voir ce que font les autres. Hein. C'est ça. C'est ça. Et on vit Noël par procuration. Moi je lancerais bien un bon bras de fer. Un bon bras de fer, c'est quand même. Ou un shifumi. Un bon petit shifumi. Un bras de fer, tu mets les bûches d'un côté, les huîtres de l'autre. Alors je ne parle pas comme ça de ma famille non plus, mais. Il n'y a pas que des huîtres. Effectivement, ça peut être. Voilà, jouez, profitez-en. Alors, on poursuit cette émission. On fait pas de pause musicale tout de suite. Hein. Non, pas tout de suite. On va demander à. Mélissa de nous rejoindre. Mélissa de nous rejoindre. Mélissa qui, notamment, est dans l'émission Tiziri le samedi matin. Alors, attends, on va brancher ton micro. Tagadam, j'adore cette musique. Alors Mélissa, redis-nous ce que tu venais de dire juste à l'instant. Bonsoir Azoul, tu m'as dit. Bonsoir Azoul. Je viens de l'émission Tiziri, qui est une émission franco-kabyle. D'accord. Et qui passe tous les samedis matin. Oui, samedi de midi à 13h. Midi à 13h. Tiziri, qui sont dans la maison depuis un sacré bon temps. Oh oui. Et alors là, tu vas nous parler de quoi? Je vais parler des chants chrétiens kabyles. D'accord. Alors, juste une petite précision avant que tu commences, puisque les petites musiques qu'on entend, la petite musique rigolote avec les petits nanins qui chantent, c'était la musique du Jet Quiz, si je ne m'abuse, il y a quelques années, hein, on est d'accord. Et on fait un gros bisou à Pierre qui animait cette émission à l'époque. Donc, des chants kabyles et chrétiens, ça nous intéresse, dis-nous tout. Ok. Donc, les kabyles sont un ensemble de populations berbères vivant en Algérie. Ils peuplent le littoral et les divers massifs montagneux de la région, les montagnes de Djurdjura par exemple. Or, ils sont aujourd'hui présents dans d'autres régions en Algérie et dans d'autres pays, dans le monde entier et surtout en France. Les Kabyles ont épousé différentes religions, musulmanes, juives et chrétiennes. D'ailleurs, le christianisme est introduit en Algérie au cours de l'époque romaine. Ainsi, les Kabyles chrétiens préparent la fête de Noël et la célèbrent avec des chants Kabyles chrétiens très particuliers. Et si certains préfèrent la célébrer en famille, d'autres préfèrent fêter Noël en groupe, tout en chantant et en mangeant, en buvant aussi, sous l'ambiance de ces chants. Alors, si je peux me permettre de vous lire un de ces chants. Ah, avec bien sûr, avec plaisir. Intitulé « Il est venu au monde », Youssef Ardounis. Aujourd'hui, dans la ville de David, est né un sauveur. Il est venu dans ce monde. Le Seigneur Jésus est venu au monde. Que nous a-t-il apporté? Il est venu restaurer l'amour de Dieu, l'amour entre lui et l'humanité et entre tous les hommes. Mettons-nous en marche à la poursuite de notre berger, marchant avec lui, il est notre vie. Ce monde est éphémère, il n'en restera rien. Il était dans les cieux, dans la perfection, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Il est revêtu de magnificence, il est venu à nous jusqu'à dans ce bas monde. Nous qui vivions chaque jour dans les peines et enfin de nous. Et enfin, il est venu nous fortifier pour qu'on ne tombe pas. Il nous a redonné l'espoir à ceux qui l'ont. À ceux qui l'ont. Ah mince, c'est le quiz du jour. Voilà. Il a vécu comme un simple homme sans jamais avoir péché. Des malfaiteurs l'ont crucifié, lui qui était sans reproche. Le troisième jour, il s'est ressuscité. De véritables témoins l'ont affirmé et il est monté aux cieux. Il prie pour nous. Il nous prépare des belles places. Réjouissons-nous. Voilà. Il est venu au monde, c'était ça? Oui. Merci Mélissa, en tout cas, pour ce joli texte. Et merci donc, on beaucoup. Te retrouve les samedis. Tu t'es à l'émission? Tu t'occupes de l'émission, entre autres? C'est dans l'émission Tiziri. Oui, vous êtes beaucoup aussi. Comment? Vous êtes beaucoup le samedi. Il y a beaucoup de monde dans Tiziri. Oui. Oui. Donc vous êtes combien, vous êtes combien en tout? Comment? Vous êtes combien à peu près dans l'équipe? on est une dizaine, je pense, mais chaque samedi ça change. Ben il y a des chroniqueurs qui viennent, d'autres qui viennent. Vous avez des invités aussi, j'écoute assez régulièrement. Ben merci à toi, Mélissa. Merci beaucoup. Je vous en prie, joyeux Noël. Joyeux Noël, bonjour. Allez, on poursuit cette émission, mon cher Gaël. Hein, oui, avec une petite pause musicale. Oui. C'est une possibilité qui ne nous effraie pas. On va écouter qui ? Et nous allons écouter Lynn Renaud. J'ai l'impression, tu sais, il n'y a pas des petits duos comme ça d'animateurs là, qui peu de, un peu haut en couleur comme ça. J'ai l'impression qu'on ressemble un peu à ça, là, ce tour-ci. C'est vrai. Très haut en couleur. Alors, c'est qui, ça, Lynn Renaud ? Mais c'est Lynn Renaud. Eh ben oui, joyeux Noël à tous. Allez, c'est Lynn Renaud, sans fadjet. Si tous les enfants du monde on avait assez de nous les grands. S'ils montaient un jour sur le grand traîneau du barbu qui vit là-haut, s'ils disaient ciao le monde, au revoir les plus de 14 ans. On s'en va gaiement faire un tour au ciel, au pays du Père Noël. Y'a des mères qui foutent des filles et des flippers, des autos, des trains électriques. Déjà eu car des vélos, de coureurs, des cris, des poupées mécaniques. On fait du skateboard debout sur les étoiles dans ce manège fantastique. Ah que c'est beau de jouer là-haut sous le soleil du Père Noël. On fait du skateboard debout sur les étoiles dans ce manège fantastique. Ah que c'est beau de jouer là-haut sous le soleil du Père Noël. Il ferait des galipettes, des claquettes sur la voie lactée, et des pieds de nez à la boule bleue qu'il verrait du fond des cieux. Il répondrait à nos lettres, il nous enverrait quelques cadeaux. Bon baiser d'en haut de la grande échelle du pays du Père Noël. Y'a des mères qui foutent des filles et des flippers, des autos, des trains électriques. Déjà eu car des vélos, de coureurs, des cris, des bruits de mécanique. On fait du skateboard debout sur les étoiles dans ce manège fantastique. Ah que c'est beau de jouer là-haut sous le soleil du Père Noël. On fait du skateboard debout sur les étoiles dans ce manège fantastique. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. 150 bénévoles et plus de 60 programmes par semaine. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Et on est très content de vous recevoir ce soir sur Fadjet. On est ensemble jusqu'à 23h, oui. Alors vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais Gaël a un bonnet de Noël. Oui. Qui lui va, mais qui lui sied à ravir. Exactement, je pense que je vais repartir avec. Il est beau, hein. Oui, j'ai la clochette qui grimpe au ciel. C'est vrai que s'il n'avait pas été. La clochette qui grimpe qu'est-ce au ciel. Qu'est-ce que j'ai dit, c'est une métaphore, Gaël, c'est le radio public quand même. Voilà, Gaël, il a la clochette qui monte au ciel toute l'année. Que voulez-vous que je vous dise ? C'est vrai. On va pas se mentir. Alors, on poursuit avec notre Thomas, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Thomas c'est qu'on retrouve notamment, qui fait ses billets d'humeur le mercredi. T'en tout à fait. Du mercredi qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Hein, et puis qui là veut nous faire un petit. Qui a brillamment perdu le quiz d'ailleurs tout à l'heure. C'est vrai, mais ouais. C'est pas grave. T'étais oui, dans les brillamment. Premiers. On a brillamment perdu le quiz, je crois. C'est vrai. Mais c'est dur hein, comme question. Hein, bah oui, il faudrait faire des questions plus faciles. Mais prochaine, il faudrait faire des questions un peu plus faciles. 1 plus 1. Alors. Voilà. 3. C'est bien. 3. Bravo. C'est 3. 1 plus 1, 3. Oui. Ok. On y va. Vas-y, à toi, Thomas. Et oui les copains, ce soir on fête Noël en famille avec les Fadjetiens. Et je dois vous avouer une chose à ce propos que j'ai déjà timidement avoué dans une précédente chronique. Les fêtes de Noël m'emmerdent. Oui, je sais, dit comme ça c'est un peu brutal, mais en réalité il y a une raison et une seule raison qui me pousse vers cette conclusion, ce sont les chants de Noël. Ah, on en a écouté une paire hein, ce soir. Oui, Lynn Renault, non, même pas Lynn Renault. Eh ben, j'ai pas cité Lynn Renault dans cette chronique, mais ça pourrait, ça pourrait. Ouais. Non, tout à fait honnête. Pour être tout à fait honnête, pardon, je pense très sincèrement que le créateur des chants de Noël, en tout cas le parolier, consommait plus de drogue que Doc Gineco et Jean-Luc Delarue réunis. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, je vais vous proposer d'étoffer mon propos en analysant de plus près les paroles. Ouais. Ouais. On commence avec un standard. Petit Papa Noël. Évidemment. Forcément. Parlons du refrain, je cite. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le vieux barbu, il se tape un tour du globe en une nuit pour apporter des cadeaux à tous les petits merdeux de la planète. Et le gamin de la chanson, il lui dit quoi ? Dis donc papy, tu tâcheras de pas oublier le mien, tu seras mignon. Ce gamin est donc officiellement un... Sieur. Demeuré. Un Français ? Ah bah oui. Il n'y a qu'un Frenchie pour être égoïste à ce point. Et attendez, c'est pas fini. Plus tard dans le refrain, en plus de lui donner des ordres, il prend littéralement le Père Noël pour un con. Je cite, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir dehors. Tu vas avoir si froid. Ouais, mais c'est les mamans qui disent ça tout le temps. Ça va, il fait pas trop froid, Nancy. Ouais, dis donc, c'est perspicace pour le moment. Hein. Le mec, il habite en Laponie. Il fait sa tournée le 25 décembre. Il roule en deux chevaux décapotables. Non, merde, non, c'est pas ça. En 10 rennes décapotables, oui, pardon. Enfin, ah, 8, 8 depuis que sa tournée passe au-dessus d'une cabane de chasse en Haute-Savoie. Le tout en plein ciel, et le gamin, qu'est-ce qu'il lui dit ? Fais gaffe, ça caille un peu. Eh ben, oui, c'est pertinent, effectivement, c'est comme commentaire. Et le pire, c'est qu'il ponctue ce refrain par « c'est un peu à cause de moi ». Un peu, ouais. Un peu ? Ouais. Parce que tu crois que si tu lui avais pas commandé tous tes jouets, il serait venu faire du tourisme à Saint-Dié-des-Vosges, le Père Noël ? Non mais, ça aussi, c'est typique français, tu sais pertinemment que plus il a de lettres, plus il va passer de temps à se geler le fion sur son traîneau, mais en même temps, tu te dis que, bon, vu le nombre de gamins qui commandent à Noël, c'est pas ta petite lettre qui va changer grand-chose. Donc, quelque part, qu'il aille bien se faire entendre ailleurs. Voilà. C'est ce genre d'enfant, je pense, qui plus tard jettera son mégot par terre en exposant cet argument imparable. Ça va, c'est pas un mégot qui va tuer la planète, quoi. Mais va te faire un gommage au tampon, Jacques, c'est fou, nous la paix avec tes réflexions à la con. Allez, un autre grand classique des fêtes de Noël. Mon beau sapin. Ah, ah oui. Bah oui, roi des forêts. Roi des forêts. Mon beau sapin. Qu'est-ce que sapin ? Non, pas sapin. On fait pas Noël de la même manière, mais. C'est original, écoutez. J'habite rue Jeanne. Faites pas Noël ensemble l'année prochaine. Mon beau sapin. Alors là, on commence fort. Hein. Je cite mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Je sais pas pour vous, mais moi qui ai pas l'habitude de me branler sur des conifères, ce refrain me met particulièrement mal à l'aise. Bienvenue, c'est Noël. Voilà. Mais le malaise s'intensifie au troisième couplet. Mon beau sapin, tes verts sommets et leur fidèle ombrage, de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Et tout ça là-dedans ? Ouais. Oui. C'est vrai ? J'ai jamais entendu la suite. En général, on s'arrête au après le refrain. Non, non, mais franchement, attendez, je vous la refais. De la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Ça marche mieux avec la réverbe, effectivement. Ah oui. Pour moi, c'est soit l'extrait d'une messe un peu bizarre, mais un peu stylée aussi, ou clairement un chant de ralliement des témoins de Jéhovah, mais version forestière. C'est hyper flippant. Mais du coup, pour soigner mon désarroi face à ces immondices musicales, j'ai décidé de composer mon propre chant de Noël. Ah. Et j'ai voulu le rendre d'actualité avec des sujets graves, et surtout des sujets qui touchent une majorité. J'ai donc composé un chant de Noël qui parle des familles recomposées. Ça s'appelle « Mon beau papa ». J'ai peur quand même. Hein. Une chanson de Noël. Tu peux. Nouvelle tu chanson peux. Profitons, Noël. Profitons. J'ai quand même peur. Alors. Est-ce qu'on se met en mode Canal Plus et on crypte ? Est-ce qu'on a une symbolique à la radio ? À moins de 12, 16 ans, non ? C'est peut-être de mise, effectivement. D'accord. Mon beau papa a dégagé mon vrai papa du foyer. Il a connu ma mère au sport, il l'a coaché un peu trop fort. Mon beau papa veut m'adopter pour voir ses impôts baisser. Mon beau papa s'est obsédé, s'est planté dans les jouets. Maman a reçu mes petites voitures et moi j'ai eu un gant de ceinture. Mon beau papa, tu devrais te méfier, la DAS devrait te rappeler. Mon beau papa est menotté, les flics sont venus le chercher. Je leur ai dit qu'il était louche et qu'il me matait sous la douche. Mon beau papa, faut pas me chercher, on se retrouve au procès. Mon beau papa est enfermé, il a pris perpétuité. Son co-détenu le trouve bandant, je lui ai envoyé le cadeau de maman. Mon beau papa peut plus marcher, il s'est trop fait emmerder. Mon beau papa, maintenant tu sais qu'on drague pas les femmes mariées. Tous ensemble. Mon beau papa, maintenant tu sais qu'on drague pas les femmes mariées. Bravo, bravo. Bravo, nouveau tube de Noël pour l'année 2018. Décidément, on a fait le grand écart dans cette émission de Noël. Il y a Eline Renaud. Il y a Eline Renaud et il y a maintenant Thomas. Voilà, c'est vrai. J'ai envie de dire que c'est chiant. Je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'elle sera diffusée. Non, sur je ne sais pas. Je ne sais pas. Malheureusement. Ou après minuit. Ah, peut-être. Bah, c'est enregistré. On va devoir tout couper. Bah, dans le medley. On va devoir tout couper. Qui c'est qui doit faire le montage Bah, je ne sais pas. C'est, voilà, on va voir. Mais belle chanson, belle écriture. Donc, on te retrouve un peu de. Parce que tes podcasts aussi. Tu as des podcasts humour un peu qui sont issus de tes chroniques. Oui, tout à fait. Je rediffuse en fait mes billets d'humeur des matinales du mercredi sur YouTube. Et je l'ai fait suivre également sur Facebook sur ma page Thomas Hansen. Merci Thomas. Merci bien. À vous. Bon, sans mauvais jeu de mots, ce fut délicieux. Il y a la clochette qui frétille. Parfait. J'ai la clochette qui frétille. Alors on écoute quoi maintenant? Ça va sans transition aucune. Hein. Ah, aucune transition. Je crois que c'était Elton John qui est en magasin à l'heure où je vous parle avec Step Into Christmas, extrait de l'album de Noël dont le nom m'amuse toujours autant. Et parce que l'album s'appelle Caribou. On a encore quelques clients quand même là. Oui. Ouais. Voilà. Voilà. C'est évident. Allez, bonne soirée à tous, hein. Et joyeux Noël surtout. passer le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël! Joyeux Noël, Gaël, joyeux Noël. Joyeux Noël, Evie. Et d'ailleurs, Elton John, c'est de quelle année ça, ce titre? C'est 1973. Il connaît tout, c'est une bibliothèque oui, médiatique. C'est même pas marqué sur la feuille. Bravo, Gaël. Alors, nous recevons notre dernière chroniqueuse pour cette émission. Bonjour Nora. Tu vas clôturer un peu les chroniques de cette émission spéciale Noël. Et avec quel sujet? Alors, donc d'abord, je me présente. Donc, oui. Parmi les nombreux bénévoles qui interviennent sur l'émission Paroles d'Outre-Mur, oui. Je suis l'une des toutes nouvelles animatrices de l'émission qui existe, elle, depuis 1989. Ouh. Vous pouvez l'écouter tous les dimanches de 18h à 19h. Elle permet de mettre en contact les familles et amis avec les détenus des prisons de Nancy, d'Écrouves et de Toul. Alors, parler de Noël dans des circonstances où l'on est privé de liberté n'est pas simple. Aussi, je me suis fait la réflexion suivante. Ne sommes-nous pas nous qui sommes libres, quelque part aussi enfermés finalement? Réfléchissons et pour cela, je vais vous raconter une histoire. Le matin, nous sortons d'une boîte, la maison, pour entrer dans une boîte, la voiture, qui va nous conduire dans une autre boîte pour laquelle nous allons exécuter un travail. À midi, nous restons bien souvent dans la boîte pour gagner du temps et ouvrons une boîte pour manger. C'est vrai. Et même si l'on va à l'extérieur entre midi et 14h, c'est pour aller dans une boîte qui s'appelle Cantine ou Restaurant. Et le soir, après le travail, nous courons rapidement faire nos courses, puis nous rentrons dans nos boîtes confortables pour préparer notre repas, cette fois peut-être pas une boîte. Que ce soit après le repas ou pendant le repas, on s'installe confortablement dans un fauteuil ou un canapé pour passer la soirée à regarder quoi ? Une boîte. Qui parle ? C'est vrai. Tout à fait. Et si on est un peu plus jeune, on s'installe quand même devant une boîte qui s'appelle une boîte à jeux vidéo, qui nous fait croire que l'on vit une vie extraordinaire avec des amis que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais vus, mais dont on entend la voix. Alors qu'est-ce que l'enfermement ? Alors, cette histoire pour en venir au fait que même libres, nous sommes enfermés finalement dans une série d'habitudes. Et sans prise de conscience, on répète inlassablement les choses. On peut aussi, suite à des circonstances de vie, se retrouver immobilisé, seul ou hospitalisé. Et l'on voit bien que Noël prend alors un autre sens. Et c'est alors que l'on prend conscience au-delà des décorations de Noël, des cadeaux et du repas de Noël, de l'importance du lien familial et amical, de l'importance d'aimer et de se sentir aimé. Alors même si l'on ne peut pas partager le repas de Noël avec les siens, on peut tout de même se réchauffer le cœur en relisant un de leurs courriers, en regardant une de leurs photos et en se remémorant les beaux instants passés avec eux. Et si vous doutez que vous êtes chanceux, sachez qu'il y a dans le monde plus de 57 millions de personnes cette année qui ne fêteront pas Noël parce qu'elles ne sont plus là. Mmh. Et pour finir, je vais vous lire un poème, celui qu'affectionnait particulièrement Nelson Mandela, qui a vécu 27 ans et demi enfermé de captivité, qui s'appelle donc « Invictus ». Comme le film. Oui, comme le film. Absolument. Dans les ténèbres qui m'en serrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. Et ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Je ne sais pas ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Donc voilà, c'était un poème de William Ernest Henley. Donc je vous dis à tous Un joyeux Noël. Soyez le capitaine de votre absolument, âme. Bah oui. On a le droit de se questionner aussi le soir de Noël, comme ça, effectivement. Mais ça me remet un peu en question, toutes ces boîtes qu'on a partout. Hein. Moi, j'habite dans une boîte, mais c'est parce que j'ai fait un bac L. Donc, attends. Alors, j'ai quand même. Prendrai pas cette blague. Toute la soirée, là, vous nous avez posé des questions. Oui. Alors, moi, j'ai une petite devinette. Ah. Hein, je l'ai trouvée dans la friandise. Dans la papillote. Ah, bah oui, dans la petite papillote. Alors, à vous deux. Trois, mais oui. Je sais que tu vas trouver, donc laisse les garçons. Ah bon, ça veut dire qu'elle est plus intelligente que nous, c'est ça ? J'ai rien dit. Bien sûr. Comment s'appelle un chat qui est tombé dans un pot de peinture le 25 décembre ? Tic-tac, je fais un tic-tac aussi, parce que je ne sais pas. Un chat... Oui ? Un chapeau de Noël, c'est ça ? Non. C'est mignon. C'est pas ton tapin de Noël, toi, c'est pas pareil. Merci Nora en tout cas. Merci. Et donc on se retrouve tous les dimanches soirs. Absolument. Il y a plusieurs bénévoles. Tout à fait. Et toi tu débutes un peu dans l'émission. Absolument. C'était très joli en tout cas. Merci à toi pour cette sympathique chronique. Et pour finir quelque part un peu cette soirée de chronique. Mais c'est pas entièrement terminé. C'est pas totalement terminé puisque nous allons faire un tour très long, ma foi, de jeu, de quiz. Ça va être éliminatoire. Chacun d'entre vous va passer derrière le micro et va répondre. Eh ouais, c'est comme ça. Et va répondre à une question. Attention, bienvenue dans le bateau de l'intelligence. Si vous avez juste, vous restez en piste pour la dernière question et vous pouvez gagner, je le rappelle, de fabuleux lots puisque. En jeu, c'est bonnet magnifique. Vous ne pouvez pas les voir, mes chers auditeurs, mais on est parti sur du. Joli. On est parti sur de la feutrine. C'est de la feutrine. Oui, un petit bonnet en feutrine. Voilà. Petit bonnet Givenchy, voilà. Collection Dior, voilà. Décembre 2018. Voilà. Cousuma, made in Fadjet. Une papillote. Alors. Car c'est important. Chacun doit passer derrière le micro. Attends, j'ai pas fini moi les prix parce que il y a un bonnet en feutrine, une papillote également, un verre Fadjet. Il y a deux piles déchargées aussi. Et des piles déchargées. Voilà. Une bouteille de cidre. Important. Alors, question pour commencer avec Thomas. Indice en bas de la page. Indice en bas de votre radio. Lequel de ces desserts n'appartient pas aux 13 desserts traditionnels de Noël en Provence ? Si tu réponds, c'est bien, tu restes avec nous pour la question subsidiaire à la fin. Sinon, bah c'est tant pis pour toi. Lequel de ces desserts n'appartient pas aux 13 desserts traditionnels de Noël en Provence ? Est-ce l'amande, la bûche ou le melon ? Lequel n'appartient pas ? La bûche. Bravo ! Il reste en jeu, c'est être ça ? Être en finale tout à l'heure. Finale internationale de quiz. Ça va de quiz Fadjet. Du quartier. International du quartier. Valentin, venez à ma droite, Valentin. Tu joues tout maintenant. Valentin, qui on le rappelle, lui, donc, est dans le 13 en forme, hein, coordonne le 13 en forme, entre autres. Hein. C'est à quelle heure ? De 13h. Bah oui, c'est dans le titre. Hein, c'est dans le titre. C'est régulièrement dans le titre. Qui joue la fée dans le film J'ai rencontré le Père Noël, réalisé par Christian Gion en 1984. Petit A, Dorothée. Petit B, Maureen d'Or. Mais qui se rappelle de Maureen d'Or ? Ah, toi, tu t'en rappelles, c'est bien. Petit C, Karen Cheryl. Avant travaux. J'en ai aucune idée. Je tente Dorothée, sans conviction. Eh ben, au revoir. Au revoir. C'était Karen Cheryl. Allez, sors de la maison. Karen Cheryl avant travaux, j'ai beaucoup aimé cette blague. Et je vais la réutiliser à Noël. Regardez-moi, je donne des indices. Je l'ai fait tous les 15 jours sur Vidéo Maniacs. Ah non, elle est très très bien. Maureen d'Or, d'ailleurs, qui était une animatrice emblématique de quelle émission ? L'émission de jeunes, hein ? Pour ceux qui que vous en quelque chose. Ouais, vous en rappelez Chalut pas de Maureen d'Or, pour les plus jeunes d'entre vous ? Oui. Pardon, Récréado. Non, c'était un peu après, je crois. Oui. C'était un peu après, Maureen d'Or. Chalut Maureen. Comment tu dis, Jean-Luc ? Disney Parade ? Non, c'est encore trop vieux, ça. Non, c'est dans les années 90. Tout, hein. Début des années 90, je pense. Tout à fait, sur Antenne 2, à l'époque. Maureen d'Or, elle a fait des jeux, mais elle était aussi sur des émissions enfants. Tout à fait. Voilà. Sous Hélène, elle a arrêté depuis. Hein. Maureen d'Or, on dirait un Oscar ou un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Maureen d'Or de l'année... meilleur animateur Fadjet revient à... Tu arrêtes, s'il te plaît, vite de prendre des initiatives comme ça. Alors. On y va. C'est gênant. Où arrivent les lettres des enfants français envoyés au Père Noël ? Petit A à Lisbonne, petit 2 à Liverdun, petit 3 à Libourne. Libourne ? Il y avait peut-être un piège. C'était un peu facile. C'était bien Libourne, oui, tout à fait. Bravo, Soëlène. Bravo. Bien. Tu pourras... tu pourras repartir donc avec ta fille. Voilà, c'est important. Et maintenant, c'est Fabienne qui alors, va jouer. Alors, cinquième et dernière question, c'est ça? Non, c'est la quatrième. Si. Ah, si. Quatrième question. Quatrième question. Fabienne, approchez-vous. Fabienne qui est la directrice de cette belle maison. Fabienne. Bonjour. Yes. Bonjour Fabienne. Bonjour. Ça va? Tu fais bien, Evy. T'as bien fait de revenir. Ce réveillon se passe bien? Merveilleusement bien. En fait, joyeux Noël. Dès qu'il y a un pouet-pouet, on est ravis. Fabienne, la question est courte. Et oui. Pourtant, elle n'est pas si simple. Qui a écrit Noël Blanc, la chanson? Louis Aragon, petit A. Volinsky, petit B. Francis Blanche, petit C. Aragon, Volinsky ou Francis Blanche? Vous n'avez pas non plus 3 heures. Hein. Il est 2h du matin sur Fadjet. Oui, c'est Francis Blanche. Elle n'aurait pas regardé au-dessus de notre bras quand même. Moi, je dis blanc. Ah bon, on ne sait jamais. Non, je ne remets pas en doute. C'est une supposition. Et dernière question, qui va être en jeu? Eh bien, nous avons Kevin. Kevin qui est encore en jeu, qui est... Oui, depuis tout à l'heure. Alors Kevin, tu vas jouer. Approche-toi. Approche-toi, N'aie Kevin. N'aie pas peur. Viens sur les genoux du Père Noël. Le rouge. Oui. Comme mon qui... bien avec ton pull, oui. Exactement, tu es raccord. Qu'est-ce que le Christkindlesmärchen? C'est de l'allemand, ça. Certainement. Christkindlesmärchen. C'est une chaise Ikea. Petit A, un dessert de Noël. Petit B, le nom du Père Noël en Finlande. Petit C, le marché de Noël de Strasbourg. En bas. Le Christkindlesmärchen. Je pense pas que c'est le marché de Noël, même si j'y suis pas allé. Non, je suis pas d'ici. Donc en plus. Tu élimines le marché de Noël. Il reste le Père Noël en Finlande et un dessert de Noël. Il y a un suspense. Il réfléchit énormément. Hein. Je tiens à dire qu'on voit bien. Hein. Réfléchis, là, ça tourne. Si elle a répondu. Tu me dis quoi? Déjà, répète, s'il te plaît. Dessert de Noël ou nom du Père Noël en Finlande. Le premier, c'était quoi? Où il y avait le marché de Noël de Strasbourg, tu l'as éliminé. Et dessert de Noël. Je sais pas, dessert de Noël, j'en c'était sais rien. C'était le marché de Noël de Strasbourg. Oh, bah mince alors. Bravo. Si seulement quelqu'un avait donné un indice. Tu viens de perdre ta place dans la matinale du jeudi. Ah, c'est dommage. T'es viré. Oh, c'est triste. C'est dommage. Non, mais il n'est pas de la région, c'est vrai, mais moi-même étant de la région, je ne connaissais pas le nom du marché de Noël de Strasbourg. C'est vrai. Oh, il nous pose des sacrées questions, le coquin lutin. Je suis méchant. On continue un peu le quiz? Qu'est-ce oui, qu'on fait? On remballe? Je vais juste demander à Jean-Luc, c'est rare qu'on fasse ça en direct. Combien il me reste de temps? 5 minutes, je crois. 5? 5 minutes, on peut faire. Allez, temps. Dernier quiz. Aurélie qui, à cette heure-ci, a beaucoup bu. Oui. Beaucoup bu de Oh, j'adore ton pull. Soirée Noël oblige. Soirée Noël oblige. Avec des petites Bravo. Cannes de Noël et des petits cannes flocos. Cannes à sucre. Oui, mais à des Noël. Petites cannes, c'est... Des petites cannes. C'est pas radiophonique. Non, pas trop, non. Alors, on était parti sur Strasbourg. On va s'éloigner. On va partir en Suède. Comment s'appelle le Père Noël en Suède? Petit A, François. Je crois François, que c'est ça. François Sich. Petit B, Fater Abraham. Et petit C, Jules Tonté. Jules Tonté. Jules, je sais pas comment ça se prononce. Jules. Non, c'est comme ça. François, Fater Abraham ou Jules Tonté? Le troisième, c'est quoi? Jules Bronté? Je pense que c'est Yule, en fait. Yule Tonté. Yule Fater Abraham. Yule Tonté? Yule Tonté, c'est ça, bien, bravo. Bien, bravo. François, c'est le Père Noël de Fadjet. Bravo, Aurélie. Et Fater Abraham, c'était Yule un monsieur Tonté. Très barbu qui chantait générique des Schtroumpfs en allemand dans les années 70. Je vais le trouver. Donc, c'est incroyable, ça. Et ouais. C'est donc, dingue, hein. Dis donc. On se fait la finale tout de suite avec les trois qui ont gagné. Alors, les quatre même, donc hein. Les quatre. Et bien, il y a Aurélie dedans. Il y avait Aurélie. Il y a Fabienne. Il y a Fabienne. Kevin. Et. Kevin n'a pas. Thomas, tu as répondu? Thomas. Alors, sous Hélène, Fabienne et Aurélie. Allez, les filles! Tellement bien. On begin. On joue sur une salsa. Oh là là, c'est... Jean-Luc, tu t'es amusé à accélérer les sons volontairement. Et une crise d'épilepsie. Voilà. Alors. Et comment on fait? Est-ce qu'on lève la main? On lève la main, je donne la non, parole au premier. Ça va être assez simple. Vous allez donner un chiffre chacun puisque c'est une question chiffrée. Celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse a gagné. Il aura droit à faire une... Vas-y, continue. Oui. Et vous, vous imaginez bien que ma grande passion, c'est les... Oui, tout à fait. Donc, on va parler vinyle. Combien de 45 tours Bing Crosby a-t-il vendu de White Christmas depuis son enregistrement en 1942? Ouh, mais ça fait un moment déjà. Ça se compte en millions, je vous aide. Combien de 45 tours Bing Crosby deux. A-t-il vendu de White Christmas depuis son enregistrement en 42? En vinyle, en millions. En millions de 45. Mais on doit tours. Donner un million ou 1 100 000 derrière? C'est en quoi, unité de millions. D'accord. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 7 5. Millions. 7 millions pour Aurélie. Fabienne. 47. C'est pas beau de tricher. 47 millions. Non, mais je vois Evie à côté de moi qui fait des signes. Non, j'ai mal compris. Personne ne triche. 1942. 42, depuis 42. Oui, c'est depuis 1942. 25. 25 millions, sous Hélène. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins. On sait pas. 38. 38. Et enfin. On se croirait dans le juste prix. Thomas. 32 millions. 32 millions. Si tu trouves, tu tournes la roue. C'est 50 millions. C'est encore sous Hélène qui l'emporte cette année. C'est beau, bravo. Indétrôné. C'est incroyable, la mère Noël est bravo revenue. Sous Hélène. Moment à gagner, un beau bonnet. Tu auras le droit de refaire toute la décoration de Noël l'année prochaine. Bravo. Une papillote. Avec un sapin vert. Et tu pourras retirer ton verre Fadjet dans la cuisine de Fadjet. Merci. Je pense que c'est un réel honneur pour toi, j'imagine. Bravo. Que c'est le premier qu'on te donne. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bah oui, on a passé un agréable moment. On vous souhaite bien sûr un joyeux Noël, mais les programmes continuent, Gaël. Tout à fait, Vinyl Maniac, je vous retrouve dans un instant avec Jérôme pour Vinyl and the City. C'est une émission spéciale de Noël jusqu'à minuit. Allez, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël.